France Culture et la Comédie Française vous invitent à écouter, sous la direction artistique de Georges Gravier, Le sexe faible d'Édouard Bourdet. Les interprètes seront messieurs Georges Descrières, Philippe, François Chaumette, Manuel, Alain Pralon, Carlos, Francis Huster, Jimmy, Jacques Serres, Antoine, Marco Béard, Jules, et mesdemoiselles Annie Ducot, Isabelle, Denise Jans, la comtesse Potocki, Claude Winter, Clarisse, Bérangère Dautin, Dorothée, Claire Vernet, Christina, Catherine Yégel, Lily, Dominique Constanza, Nicole, Catherine Ferrand, Louise. Un petit salon dans un grand hôtel à Paris. On peut entrer ? C'est toi, Lily ? Mais oui, entre, voyons. Bonjour, maman. Bonjour, ma petite fille. Bonjour, toi. Bonjour. Je te demande pardon de ne pas avoir été à la gare, mais il n'y a pas eu moyen. Je suis venue un instant en courant pour te dire bonjour, mais il y a 3 courtiers américains qui m'attendent, il va falloir que j'y aille. Je viendrai déjeuner avec toi, si tu veux. Bien. Ça t'a pas contrarié de me laisser l'appartement encore quelques jours ? Mais non, ma petite fille, puisque ça te rend service. Je suis en plein dans ma collection d'été. S'il avait fallu déménager en ce moment, je sais pas comment j'aurais fait. Alors ça gaze les affaires, à ce qu'il paraît. Ça commence. 200 000 francs de commande le mois passé. Bon, et toi, ça a marché là-bas ? Oui, oui. Alors, ça y est ? Oh, pas encore. Oh, quand revient-elle, ton américaine ? Je ne sais pas. Dis donc, tu vas tâcher de me l'amener quand elle sera là. Ma collection sort la semaine prochaine, je compte sur toi. Mais 10 % hein ? Ah non, pas 10, 5. Et c'est déjà joli, tu sais. Jimmy, je te répète que tu vas prendre froid si tu restes là dans ce peignoir. Mais non. Dis-moi, Lily, est-ce que tu sais ce qu'il y a eu entre Philippe et Christina ? Je ne sais que ce que Clarisse t'a télégraphié. Philippe m'a téléphoné l'autre matin pour me demander un rendez-vous, mais j'ai pas pu trouver le temps de le voir. Alors, tu ne sais pas ce qu'il te voulait ? Non, il m'a simplement dit qu'il désirait me parler, il avait l'air embêté. Ben, qu'est-ce que tu veux ? Il récolte ce qu'il a semé. Là-dessus, mes enfants, je vous aime bien, mais il faut que je retourne travailler. Je tâcherai d'être là vers 12h30 pour déjeuner, parce que j'ai rendez-vous à 14h avec l'architecte. Ça te va ? Oui, oui. Bon, à tout à l'heure. Ma sœur est là. J'y vais. Qu'est-ce que tu fais ce matin ? J'ai la manucure à 11h moins le quart. Après, je tâcherai de passer chez mon tailleur, puis j'irai faire un tour au bois. Et ta leçon de boxe ? Pas ce matin, comment veux-tu que j'aie le temps ? Allô ? Priez-la de monter. C'est Clarisse. Oh là ! Bah reste au moins pour lui dire bonjour puisque tu es là. Oh zut, elle me rase. Ah, tu vois comment tu erres. Tu me dis de lui demander un service et tu ne peux même pas faire l'effort d'être un peu aimable. C'est une vieille chipie, elle a toujours quelque chose de désagréable à vous dire. Ah ouais, avec ça, vous êtes tellement gentil pour elle, toi et tes frères. Vous pourriez vous souvenir que c'est votre belle-mère après tout. Oui, oh ben ça, nous n'y sommes pour rien, nous. Ouais. Alors tu t'en vas. Mais j'ai ma sœur qui m'attend. Mais tu reviendras quand il sera parti, alors. Si tu y tiens absolument. Allez, tu me le promets. Oui. Bonjour, Isabelle. Bonjour, ma bonne Clarisse. Pas trop fatiguée ? Oh, un peu. Jimmy est resté là-bas ? Non, il est là, il va venir te dire bonjour. Et comment ça va avec la petite Freeman ? Eh ben, ça va pas mal, mais enfin, tout de même, je trouve que ça traîne un peu. Elle est revenue en même temps que vous ? Non, malheureusement, elle est encore là-bas et c'est bien ce qui m'inquiète. Alors pourquoi n'as-tu pas laissé Jimmy ? C'est lui qui a voulu revenir. Il prétend qu'au point où ils en sont, une petite séparation ne sera pas mauvaise. Enfin, je te raconterai. Mais avant tout, parle-moi de Philippe. Tu ne l'as pas encore vu ? Non, je lui ai fait dire de venir vers midi. Je voulais t'avoir vu toi avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que ton fils a une maîtresse. Oui, c'est naturellement. Quoi, naturellement ? Enfin, je veux dire, c'est ce que je craignais. Et Christina le sait. Ah. Elle veut divorcer. Non. Si, si. Mais enfin, c'est pas la première fois. Voyons, elle sait bien qu'avec Philippe, c'est pas grave et qu'il lui reviendra. Il n'y tient peut-être plus à ce qu'il lui revienne. Tina ? Allons donc, elle l'adore, voyons. Mais tu imagines toujours que tes fils sont impossibles à remplacer. Non, j'imagine pas ça, mais enfin... Il y a d'autres hommes à Paris. D'aussi bien qu'eux, tu sais, il n'y en a pas d'état. Mais si, il y en a. Dans le genre joli garçon, peut-être, mais le modèle de Philippe, pour moi, ça ne court pas les rues. Ouf. Quoi ? Tu trouves pas que Philippe est bon, peut-être ? Si, il est beau. Comment ne serait-il pas beau avec un père comme le sien ? Mais la beauté, ce n'est pas tout. C'est tout de même le principal. Son père, lui, n'était pas seulement beau. Il était fidèle. Je connais aussi bien que toi les qualités de son père comme mari. Enfin, s'il n'avait pas commencé par être très beau, nous ne serions jamais aperçus qu'il les avait, ses qualités, reconnais-le. Je l'aurais aimé même s'il avait été laid. Ouais, on dit ça. C'est que tu ne l'as jamais aimé comme moi, vois-tu, Isabelle, tu ne peux pas comprendre. Oh, écoute, tu vas pas recommencer avec cette histoire, n'est-ce pas? Quelle histoire? Mais c'est vrai, tu te crois tout le temps obligée de me donner des leçons sur la façon dont j'aurais dû aimer Ignacio, j'en ai assez à la fin. Il a été mon mari pendant 18 ans et tout ce temps-là, je n'ai pas regardé un autre homme, tu entends? Pas un. Si tu l'aimais tant que ça, comment as-tu pu consentir au divorce? Et qu'est-ce qui serait arrivé si je n'avais pas consenti? Tout ce que j'avais été dans ces mines du Caucase où papa avait placé sa fortune? Quand ça a été pris par les bolcheviks, il a quand même fallu vivre, n'est-ce pas? Alors comment aurions-nous fait? Avec le luxe auquel Ignacio était habitué, les 4 enfants à élever, tu sais, ça va vite les dettes. Il ne restait qu'une solution, c'est que je me sacrifie, et je me suis sacrifiée, voilà tout. Oui, pour tes enfants. Non, pardon, pour lui d'abord. Allons donc. Parfaitement, et je n'ai fait que ce que je devais. Nous nous étions épousés parce qu'il était beau et que j'étais riche. Eh ben, j'étais devenue pauvre, il était toujours beau. Je n'avais qu'à disparaître. Magnifique. Ouais. Et puis si tu veux tout savoir, c'est même moi qui lui ai conseillé de t'épouser. Vraiment? Oui. Je ne te voyais pas, mais devant lui, chaque fois que nous nous trouvions ensemble, je savais très bien qu'il n'avait qu'un geste à faire pour que tu tombes dans ses bras. Eh ben, c'est moi qui lui ai conseillé de le faire, ce geste. À cause de mes dollars, sans doute. Dame, pour quelle raison veux-tu qu'il nous ait épousés, moi d'abord et toi ensuite, sinon pour celle-là? Charmant. En tout cas, ça n'a pas été une mauvaise combinaison pour toi, il me semble. Mais tu n'aurais tout de même pas voulu qu'Ignacio laisse sa famille mourir de faim. Oh, pour ça, il ne l'a pas laissé mourir de faim, ses carnets de chèques le prouvent. Oh, comme c'est joli. Oh, comme c'est délicat ce que tu viens de dire. Si tu trouves que c'est tellement délicat ce que tu as dit, toi? Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'Ignacio m'avait épousé pour mes dollars. Et après, t'a-t-il rendu heureuse, oui ou non? Oui, très heureuse. Eh ben alors, de quoi te plains-tu? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu m'as parlé d'Ignacio, c'est pas de lui qu'il s'agit, c'est de Philippe. Comment as-tu su que Tina voulait divorcer? C'est Antoine qui me l'a dit l'autre jour, ici. Antoine? Oui. Et comment l'avait-il appris? Pas Christina, probablement. Enfin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh ben voilà, je venais d'arriver, j'attendais la duchesse d'Olivares, qui m'avait invitée pour prendre le thé. Mais tu as tort de prendre le thé avec la duchesse d'Olivares, je te l'ai déjà dit. Et pourquoi? C'est une duchesse authentique. Son mari était même Altesse Royale dans son pays, paraît-il. Oui, seulement elle, elle était cocotte ici. Enfin, ça fait rien. Cocotte? Oui, cocotte. Mais continue, je t'en prie. Tu prenais le thé avec la duchesse d'Olivares. Bon, et puis? J'étais la première. Je cherche une table. Il n'y en avait plus. Je demande qu'on appelle Antoine. Il arrive très gentil, comme toujours. Il me dit que pour moi, il va s'arranger. Oui, oui, Antoine dit toujours ça. Après? Pendant qu'il fait apporter la table, nous parlons un peu. Il me demande si tu es encore pour longtemps à Biarritz. Je lui réponds que je n'en sais rien. Alors, il me dit cette phrase. Peut-être que Madame Leroy Gomez ferait bien de revenir. Je le regarde étonnée. Je lui demande pourquoi. Alors, il me raconte qu'il y a eu des drames entre Christina et son mari, qu'elle est installée ici depuis 2 jours. Comment ici? Christina est ici? Eh bien, oui. Elle a quitté l'avenue d'Iéna? Naturellement. Enfin, tu es sûre? Puisqu'Antoine me l'a dit. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit tout de suite qu'elle était partie de chez elle? Je pensais que Philippe t'avait écrit. Mais non, Philippe n'écrit jamais. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là encore? Je n'aurai donc jamais de tranquillité avec ces malheureux enfants. Quelle heure est-il? 11h15, pourquoi? Mais pour savoir si Antoine est arrivé. Tu veux lui parler? Naturellement, je veux qu'il me dise ce qu'il sait. Allô? Donnez-moi le restaurant, je vous prie. Et dire que chaque fois, c'est la même chose quand je quitte Paris. C'est à croire qu'ils le font exprès. Allô, le restaurant? Pourriez-vous demander à Antoine de bien vouloir venir à l'appareil, s'il vous plaît, de la part de Madame Leroy Gomez? Ah, c'est vous, Antoine. Je suis bien contente de vous entendre. Comment allez-vous, mon bon Antoine? Merci, un peu fatigué par le voyage, mais enfin, c'est rien. Dites-moi, Antoine, vous êtes très occupé à cette heure-ci, probablement. Oui, bien sûr. C'est parce que j'aurais bien voulu causer un petit peu avec vous, si ça ne vous avait pas trop dérangé. Il n'y aurait pas moyen que vous montiez un moment? Eh bien, dès que vous le pourrez. Merci, Antoine. Numéro 102, c'est ça. Bon, à tout à l'heure. Il va monter? Oui. Quel dévouement. Ah oui, il m'aime bien, Antoine. Tu dois savoir ce que ça te coûte. Oh, alors ça, tu n'y es pas du tout, alors. Il n'a jamais accepté un sou de moi, ni de personne, d'ailleurs. Non, seulement je viens ici depuis 25 ans, alors pour lui, je fais partie de la maison, tu comprends? Madame a sonné? Jinmi n'a pas encore fini avec le masseur? Si, madame, mais la manucure est là maintenant. Ah bon, dites-lui qu'il n'oublie pas de venir dire bonjour à Madame Lee Gomez, n'est-ce pas? Bien, madame. Ah, dis-moi, Clarisse, pendant que nous sommes seuls, je voudrais te parler d'une question un petit peu délicate. Enfin, délicate, c'est pas le mot, parce qu'il ne peut rien y avoir de délicat entre nous, n'est-ce pas? Ce serait stupide. Je t'ai toujours considérée comme la seconde mère de mes enfants. Allons bon, encore. Quoi encore? Oh, quand tu m'appelles la seconde mère de tes enfants, je sais ce que ça veut dire. Enfin, je t'ai donné un chèque de 20 000 francs il y a un mois. Ce n'est pas suffisant? Mais qu'est-ce que c'est que 20 000 francs à l'heure actuelle? Puis tu n'as pas l'air de te douter de ce que coûte un séjour de 3 semaines à Biarritz. Surtout avec une femme comme la petite Freeman. Ce Jimmy ne pouvait pas s'arranger toutes les fois pour ne pas se trouver là au moment des additions. Elle aurait fini par remarquer. Ah, ça, c'est son affaire. Arrange-toi comme tu voudras, mais ne compte pas sur moi. Alors, raconte-moi. Il y a du tirage avec la petite Freeman? Oh, non, il n'y a pas de tirage, seulement... tu sais aussi bien que moi qu'avec les Américaines, les choses ne vont pas si vite que ça. Je n'ai jamais rien vu d'aussi méfiant que vous. Ah, qu'est-ce que tu veux? En Amérique, un homme, ça sert à faire de l'argent pour sa femme. Ici, c'est tout le contraire. Elle n'a pas l'habitude. Ah, je sais bien. On les élève toutes dans l'idée que le mariage n'est ni plus ni moins qu'une affaire. Alors, n'est-ce pas, avec des principes comme ceux-là? Enfin, elle l'aime ou elle ne l'aime pas? Mais naturellement, elle l'aime. Elle en est folle. Elle ne l'a pas quittée pendant les 3 semaines que nous avons passées là-bas. Sans compter les soirées dans sa chambre. Dans sa chambre? Mais oui. Elle prétextait une migraine pour ne pas descendre et elle lui demandait de venir dîner à côté de son lit, soi-disant pour lui tenir compagnie. Comment soi-disant? Tu devines ce qu'elle aurait voulu, parbleu. Non. Mais si, elle a tout fait pour y arriver. Elle le recevait couché dans un pyjama de crêpe de Chine noire, ma chère, simplement. Elle a même été jusqu'à essayer de le griser un soir. Ah, elles n'ont pas froid aux yeux, tes compatriotes. Mais alors ça, elle en a été pour ses frères. Ça, je suis sûre de mon petit Jimmy. Il n'a pas perdu la tête? Oh, mais non. Il est beaucoup trop raisonnable. Alors, comme elle n'arrivait pas assez fin par cette méthode-là, elle a essayé d'une autre. Elle s'est fait faire la cour par un Italien qui était à l'hôtel. Qui ça? Oh, une espèce de bellâtre, le marquis de Bella Rosa. Francesco, mais je le connais. Oui? Eh ben, t'as de jolies relations. Et alors, quel effet ça a-t-il eu sur Jimmy? Oh, il ne s'est pas frappé pour ça. D'abord, avant que Jimmy ne se frappe, tu sais. Non, seulement, quand ton télégramme est arrivé sur ses entrefaites, m'obligeant à rentrer moi, il a trouvé que c'était une bonne occasion de lui donner une leçon et lui annoncer qu'il partait. En la laissant seule avec Francesco? Oh... Quoi? C'est bien risqué. Il dit qu'elle sera à Paris avant 8 jours. Il ne connaît pas les Américaines. Bon, il est incontestable que Jimmy est 100 fois mieux que ce Bella Rosa, sous tous les rapports. Maman, je déjeunerai pas ici. Bien, mon chéri, où déjeunes-tu? Avec un camarade. Bon. Bonjour, Clarisse, vous allez bien? Merci. Vous avez votre voiture en bas, Clarisse? Pourquoi? Je peux me faire conduire aux Acacias? Je vous la renvoie tout de suite. Et tout de suite, alors? Je vous le promets. À bientôt. Oui. Au revoir, maman. Au revoir, mon chéri. Ah, au fait. Tiens, voilà ce que je viens de recevoir. C'est de Dorothée? Oui. Allons bon. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, lis. I'm leaving at noon, muttering down to Florence with Francesco. Oh, c'était sûr. Tu vois ce que je t'avais dit. Hein? Tu veux jamais écouter mes conseils. Mais tu ne devais pas partir en laissant cet aventurier derrière toi. L'occasion était trop belle pour lui. Il ne l'a pas manqué. Ah, mon Dieu. Est-ce qu'elle t'avait parlé de ce voyage à Florence? Mais non, c'est lui qui a arrangé ça, il est de Florence. Il est de Florence? Oui, sa famille y habite. Ah, ça. Mais alors qui nous dit que ce n'est pas avec l'idée de la présenter à sa famille qu'il l'emmène à Florence? En tout cas, c'est ce qu'elle a voulu me faire supposer en m'envoyant ce télégramme. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin, tu vas répondre à ce télégramme, non? Sûrement pas. Ben, tu as tort. Voyons, maman, ou elle a vraiment l'intention de l'épouser, et alors ma foi, tant pis, qu'elle l'épouse. Ou alors... elle a seulement envie de me faire marcher, et alors, ça serait la dernière des bêtises de lui procurer ce plaisir. Ça recommencerait à la première occasion. T'en fais pas, maman, tout finira par s'arranger. Oh, tu dis toujours ça, tu as toujours confiance, toi. Aide-moi un peu de patience, je me sauve. Au revoir, Clarisse, et merci pour la voiture. Oh, ces enfants, mais quel tracas. Cette petite était juste ce qu'il lui fallait, jolie, à peine plus âgée que lui, divorcée, donc pas de parents à consulter, ce qui vaut toujours mieux. Et 100 000 dollars à dépenser par an, ce qui ne gâte rien. Monsieur Antoine est là. Ah, qu'il entre. Bonjour, mon bon Antoine. Comme c'est gentil à vous de vous être dérangé, je vous suis très reconnaissante. Non, ce n'est rien, madame. Bonjour, Antoine. Ah, madame Lee Gomez, bonjour, madame. Madame m'excusera si je n'ai pas pu venir plus tôt. Je n'avais pas fini les commandes pour demain avec le chef. Ça ne vous a pas trop gêné de monter? Non, madame, j'ai un petit moment de répit à cette heure-ci. Madame a été contente de son séjour à Biarritz? Ouf. Ben, pas plus que ça, Antoine. Ah, moi j'ai rencontré Monsieur Jimmy en montant, il avait très bonne mine. Oh, oui, celui-là, quand vous lui verrez mauvaise mine. Enfin, alors, Christina est ici? Oui, madame, depuis une dizaine de jours, elle est au 4e. Et son mari le sait? Oh oui, madame, elle l'a prévenu avant de partir. Enfin, il n'a rien fait pour la retenir? Mais sans doute que non, madame. Du reste, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. D'après ce que j'ai compris, madame Philippe était à bout. Ah, vraiment? Ah oui, monsieur Philippe avait peut-être été un peu fort ces derniers temps. Ah, ah oui, je lui ai dit souvent, monsieur Philippe, ce n'est pas sérieux. Un de ces jours, madame Philippe va se fâcher, et alors, dame, il sera trop tard. Je ne me serais pas permis de parler comme ça à n'importe qui. Monsieur Philippe a toujours été très gentil avec moi, et puis je l'ai connu si petit, oui. N'est-ce pas? Il ne vous écoutait pas, naturellement. Bah, il riait, il haussait les épaules. Il me répondait, qu'est-ce que vous voulez, Antoine? C'est pas de ma faute, elles ne veulent pas me laisser tranquille. Ce n'est jamais moi qui commence, reconnaissez-le. Et ça, c'est vrai, il ne commençait jamais. Seulement, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, la plupart de ces dames n'attendent pas qu'on commence. Ah, oh, ma foi, non. Ah, seulement, s'ils avaient prévu ce qu'il attendait, certainement qu'il aurait mieux valu le laisser se distraire avec des femmes du monde. Ah, alors c'est pas une femme du monde cette fois-ci? Ah, non, madame. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir. Comment ça, on ne peut pas savoir? Ah, non, madame. Mais pourquoi? C'est une Russe, madame, alors, n'est-ce pas? Une Russe? Mais oui, madame. Bah, il manquait plus que ça, par exemple. Enfin, quel genre de femme est-ce? D'où sort-elle? Bah, j'ai entendu dire qu'elle avait été mannequin. Rue de la Paix. Mannequin, mon Dieu, mon oui. Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, je crois qu'elle ne fait plus rien, madame. Mais de quoi vit-elle? Je ne sais pas trop, madame. Monsieur Philippe lui a loué un petit appartement à Passy. Comment il lui a loué? Oui, madame. Enfin, vous ne voulez pas dire qu'il l'entretient? Mais, si, madame. Mais c'est pas possible, Antoine! Le malheureux enfant, voilà où il en est. Il est devenu fou, c'est la seule explication. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et sa femme est au courant de tout ça? Malheureusement, oui, madame. Elle vous l'a dit? Oui, madame. C'est pour ça qu'elle est partie. Entre nous, je la comprends. Mais comment l'a-t-elle su? Ah, ça. Peut-être que quelqu'un avait intérêt à la prévenir. Qui ça? Je ne sais pas, madame. Quelqu'un, par exemple, qui ne tiendrait pas à ce que les choses aillent trop bien entre elle et M. Philippe. Un homme qui est amoureux d'elle. Eh oui, quelque chose comme ça, madame. Ou qui aurait envie de l'épouser, plutôt. Oui, madame. Je crois qu'il faudrait plutôt chercher du côté d'un de ces messieurs, comme M. Carlos Pinto, par exemple. Ah, le beau Carlos, peut-être. Non, non, pas peut-être, sûrement. Ne cherchez plus, c'est pas la peine. Ah, je suis fixée, naturellement. Mais il ne se quittait pas il y a 3 ans à Biarritz. Il en a presque fait une jaunisse quand il a appris qu'elle était fiancée à Philippe. Et il espère prendre sa revanche, pardi. On m'avait dit que Mrs. Girst l'avait emmenée à New York. Oui, oui, madame, mais il est revenu. Elle en a eu assez, là-bas? Oh, non, madame, c'est lui qui n'a pas voulu rester quand il a compris, sans doute. Et compris quoi? Qu'elle ne l'épouserait pas. Ah, elle devait l'épouser. Ah, oui, oui, oui, madame, toujours. Mrs. Girst promet toujours le mariage. L'année dernière, avec M. le comte Andrassy, ça a été pareil. Elle lui avait dit qu'elle l'épouserait en Amérique. Et puis, une fois là-bas, elle leur raconte que Mr. Girst ne veut plus divorcer, qu'il faut attendre encore. Et le tour est joué. Mais pourquoi fait-elle ça? Sans doute pour qu'on soit plus gentil avec elle. Elle n'est plus toute jeune, n'est-ce pas? Alors, si ce n'était pas pour le mariage, elle trouverait moins d'occasions. Eh bien, elle peut dire qu'elle est dans de jolies mains. Oh, la pauvre petite! Oh, ce n'est pas qu'il soit mauvais, madame. On ne peut pas dire ça. Seulement, il commence à s'énerver un peu, n'est-ce pas? Il voit tous ses amis mariés et lui, il reste là. Alors, il vaudrait mieux que son tour arrive. Oui, eh bien, s'il se figure que ce sera avec Christina, il se trompe. Écoutez, Antoine, il faut absolument que je lui parle. À Monsieur Pinto? Mais non, pas à Monsieur Pinto, à Christina! Vous ne voudriez pas aller lui dire que je suis là et que je la supplie de descendre un instant? Je veux bien essayer, madame, mais je ne sais pas trop si elle voudra. Écoutez, dites-lui que je suis arrivée de Biarritz tout à l'heure, que j'ai appris avec une grande tristesse ce qui s'est passé, que je suis profondément bouleversée, enfin qu'elle sait combien je l'aime, combien je lui suis attachée, combien je l'ai toujours été. Mais madame, ne préférerait pas écrire un petit mot? Non, non, Antoine, ça je ne pourrais pas, je suis trop énervée. Mais je me fie à vous, à votre éloquence, je suis sûre que vous saurez la persuader de venir. Vous voulez bien? Bah, je ferai ce que je pourrai, madame. Merci, Antoine. Un ou deux, Monsieur Pinto. Tu préfères sans doute que je te laisse? Oui, il vaut mieux que Christina me trouve seule. Tu m'excuses. Mais naturellement. Au revoir, Isabelle. Au revoir, Clarisse. Oh, j'aurais voulu te demander ton avis pour un dîner que je donne le 18. Oui, eh ben, nous en reparlerons une autre fois, si tu veux bien, parce qu'en ce moment, j'ai vraiment pas la tête à ça. Oh, bien. En tout cas, je compte sur toi ce soir-là, naturellement. Oh, non, merci. Comment? Mais tu n'as pas besoin de moi, voyons. Comment je n'ai pas besoin de toi? Tu sais bien que si. Non, j'ai trop de soucis en ce moment. Jimmy qui ne se marie pas, Philippe qui peut me retomber sur les bras d'un jour à l'autre, et pas un sou à la banque. Non, sincèrement, là, ne compte pas sur moi. Alors, combien te faut-il? Mais non, c'est pas la peine. Veux-tu me répondre? Eh bien, la même chose que la dernière fois, si ça ne te gêne pas. Ah bon? Quoi? Tu n'y vas pas de main morte, à la bonne heure. Je te ferai remarquer que c'est toi qui as insisté. Je ne t'en aurai jamais reparlé, crois-le bien. Alors je t'enverrai un chèque. Et tu viendras à ce dîner, n'est-ce pas? Puisque ça te fait plaisir. Entrez! Ah! Eh bien? Je suis mal tombé. Pourquoi? Monsieur Pinto était là. Ah, allons bon. J'avais bien remarqué que la porte était ouverte sur la chambre. Je ne pensais pas qu'il y était. Et il a tout entendu. Et alors? Alors, il est arrivé comme un fou en roulant des yeux terribles. Il m'a dit que j'étais un traître. Puis ils ont commencé à parler en espagnol. Il criait, il gesticulait. Et elle, qu'est-ce qu'elle disait? J'ai compris qu'elle essayait de le calmer, mais il était dans un tel état, on l'entendait jusque dans l'escalier. Alors, vous croyez qu'elle ne viendra pas? Elle serait bienvenue, sans M. Pinto. Elle me l'avait dit. Mais à présent, pourra-t-elle? Je ne sais pas. Peut-être dans un moment, quand il sera plus tranquille. Ah, pauvre petite. Décidément, il était temps que j'arrive. Je m'en vais retourner voir un peu là-haut, si ça se calme. Je suis navré, Antoine, de vous occasionner ces ennuis. Non, ce n'est pas la faute de madame, mais il ne faudrait pas qu'il se mette à faire du bruit comme ça, monsieur Pinto. Ce n'est pas du tout le genre de la maison. Quel toupet, crois-tu? Il se croit déjà le maître, ma parole. Oh, je te laisse cette fois. Au revoir, ma bonne Clarisse. Et merci pour le chèque. Je téléphonerai pour avoir des nouvelles. C'est ça. Ah, tu arrives bien, toi. Qui est-ce? Philippe. Oui, ta mère est là, elle t'attend. Entre. Bonjour, maman. Bonjour. Je te préviens que j'attends ta femme. Ah? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Je lui ai demandé de venir, parce que je désire lui parler. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Ça me regarde. Ah bon? Dis-moi, est-ce que tu es devenu complètement fou? Pourquoi? Oh, n'essaie pas de me raconter d'histoire, je suis au courant de tout. Ah, et alors? C'est tout ce que tu trouves à dire. Non, écoute, qu'est-ce que tu veux, maman? J'aime mieux te prévenir tout de suite. J'aime Luba. Ah, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Oui. Eh bien, tu me feras le plaisir de ne jamais me parler de cette personne. Tu m'as comprise. Quand je pense que c'est pour cette créature que tu as abandonné ta femme et détruit ton foyer... Non, mais je n'ai pas abandonné Christina. C'est elle qui est partie. Mais naturellement, elle est partie, après tout ce que tu lui faisais supporter, la malheureuse. Et tu sais ce qui se prépare en ce moment? Non, quoi? Eh bien, mon enfant, il y a quelqu'un qui est en train de te prendre ta place, tout simplement. C'est à prévoir. Et tu sais qui c'est? Carlos, je suppose. Parfaitement. Oui, je l'avais toujours pensé. Ah, et c'est tout l'effet que ça te fait? Bon, tu sais, que ce soit lui ou un autre. Alors tu vas accepter que cet individu te prenne ta femme? S'il peut la rendre heureuse, je ne lui souhaite pas de mal, moi. Voilà où tu en es. Je lui apprends qu'un homme est en train de séduire sa femme, qu'il est peut-être déjà son amant, et il me répond qu'il ne lui veut pas de mal. Mais enfin... Puisque j'aime Luba... Mais où ça te mènera-t-il d'aimer Luba, malheureux enfant? Entrez! Madame Philippe descend, madame. Ah, diable, c'est que... Quoi donc? Madame Philippe ne comptait pas trouver monsieur ici, alors je ne sais pas si... Il ne faut pas qu'elle le trouve, naturellement. File à côté dans ma chambre, Philippe. Vite, je t'appellerai quand elle sera partie. Voilà Madame Philippe. Oh. Antoine, Antoine, je vous en prie de monter pour l'empêcher de faire des bêtises. Il est fou, vous savez, il est fou. Oh, dites-lui qu'il reste tranquille. Je monte dans 5 minutes. Vous voulez bien me faire cette faveur, Antoine, n'est-ce pas? Mais oui, j'y vais, madame. Que je vous remercie. Mais ce n'est rien, madame. Excusez-moi, signora. Tina, ma chère enfant... J'ai beaucoup de peine. Oh non, signora, il ne faut pas pleurer. Autrement, il pleure aussi et le rimel, il va couler dans les cieux. Eh bien, je ne pleurerai pas, je vous le promets. Asseyez-vous là près de moi et causons tranquillement. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis désespérée de ce que j'ai appris, ma petite. Que voulez-vous? Pour moi non plus, ce n'est pas gai, toutes ces complications. Oh, mais c'est un affreux malentendu qui va cesser, Christina. Cesser? Mais que dites-vous? Vous ne savez pas que Philippe, il m'a trompée avec cette ruse. Elle est sa maîtresse depuis 3 mois. C'est un véritable scandale. Mais quelle preuve avez-vous qu'elle est sa maîtresse? Mais lui-même, il me l'a dit. Et savez-vous s'il n'avait pas une raison pour vous le dire? Une raison? Oui. Savez-vous s'il ne l'a pas fait exprès, justement pour vous rendre jalouse? Pour vous inquiéter un peu? Mais non, que barbaridade! Je vous affirme que si, moi. Il vous l'a dit parce qu'il avait senti que depuis quelque temps, vous vous étiez éloigné de lui, parce qu'il était tourmenté de certaines choses qu'il avait remarquées. Voilà. Et pourquoi ne me l'aurait pas dit à moi s'il avait remarqué? Mais vous savez bien que Philippe se ferait couper la langue plutôt que d'avouer qu'il est jaloux. Qu'est-ce que vous dites? Il n'est pas jaloux du tout. Oh, comme vous le connaissez mal, Christina. Alors, il est jaloux comme un tigre. Regardez-moi. Mais si de vous. Seulement, il a beaucoup trop d'orgueil pour le montrer. Bénissez le ciel que Philippe ne se doute pas de l'intimité avec laquelle vous recevez ici certaines personnes. Car s'il s'en doutait... Je sais très bien qu'il n'y a entre ce monsieur et vous que des relations de pure camaraderie. Ça, je vous connais trop pour en douter, ma chère petite. Mais enfin... Vous vous trompez, signora. Comment? Et ce n'est pas une camaraderie, en tout cas, alors, c'est moi. Écoutez, ne me dites pas qu'il est votre amant, je ne vous croirai pas. Et pourtant, je l'ai dit, signora. Eh bien, je ne vous crois pas. Mais je le jure, sur la tête de ma mère. Eh bien, vous auriez... puis au moins me le laisser ignorer. C'est mieux de dire la vérité. Vous vous êtes laissé séduire par cet individu, vous. Signora, permettez que je le dise. Quand j'ai quitté l'appartement depuis 3 mois, que je ne m'étais pas aperçue que j'avais un mari. Alors que voulez-vous? Moi, je ne suis pas une statue. Carlos était toujours très gentil. Il était venu me voir chaque jour, il m'aimait. Vous aimait. Alors là, permettez-moi de sourire. Il faut être naïf pour croire à l'amour de M. Pinto. Et pourquoi il n'y croirait pas? Et que vous n'avez pas cru à l'amour de Philippe il y a 300? Enfin, comment osez-vous comparer l'amour de Philippe avec celui d'un personnage de cette espèce, un aventurier sans moralité et presque contrefait. Ah, vous ne devez pas parler ainsi de Carlos, signora, il ne permet pas. Mais enfin, ma pauvre enfant, vous ne l'avez donc jamais regardé? Comment? Il est tout petit, d'abord. Il est minuscule. Il n'est pas très grand, mais... Il est affreusement mal construit. Non. Ce cou sur les épaules, cette poitrine étroite et ses mains. Vous avez remarqué ses mains? Les mains. Ouais, quant à la distinction, il vaut mieux n'en pas parler, n'est-ce pas? Non, ça, je ne peux pas l'accabler, le garçon, mais enfin, franchement, il est très mal. Il ne dit pas que Carlos, pour le physique, il est parfait, mais... Voyons, Christina, un homme dont Mrs. Gertz elle-même n'a pas voulu. Mrs. Gertz? Il vous a pas dit qu'il l'avait suivi en Amérique? Non, il n'a pas dit ça. Parbleu, renseignez-vous, vous verrez. Et puis enfin, Christina, qu'est-ce que c'est que M. Pinto? Rendez-vous compte. Alors, ma chère enfant, revenez à vous, je vous en prie. Vous avez été imprudente. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences d'un geste regrettable. Je veux bien admettre que c'est un peu la faute de Philippe. Il a été maladroit. Enfin, il a cru bien faire. Et puis il a été maladroit, voilà. Pauvre Philippe. Il vous aime tant. Il ne m'aime pas, signora. Si vous aviez vu tout à l'heure, si malheureux, si désemparé. Il est venu tout mais à l'heure? Oui, j'aurais voulu que vous puissiez entendre, tenez, la façon dont il parle de vous. Le malheureux, mon Dieu. Ah, s'il savait. Mais il sait. Lui? Mais sûrement, il sait. Mais s'il avait le plus petit soupçon, Christina, je ne donnerais pas cher de la peau de M. Pinto à l'heure actuelle. Non, heureusement, il n'a pas le plus petit soupçon. Alors dites-lui, signora. Comment je lui dis? Oui. Mais vous êtes folle? Non, je vais voir qu'est-ce qu'il fera. Et s'il arrive malheur? Il n'arrivera pas de malheur, signora. Je serai là et empêcherai. Et du moins, je saurai s'il m'aime à moi. Ah non, ça, je ne ferai jamais une chose pareille, Christina. Ça, c'est trop grave. Vous ne pouvez pas entrer, M. Carlos. Ce n'est pas possible. Je vous dis que je veux entrer. Soyez raisonnable, voyons, M. Carlos. Je suis raisonnable, mais je veux entrer. Carlos, estás loco. Me prometiste 5 minutos, si hace más de 20. Perdóname, pero has sido más fuerte que yo. Es una cobardía de tu parte, te pido te retires. Me iré, a la condición que venga conmigo. Monsieur, je suis ici chez moi et je vous prie de sortir. Excusez-moi, madame, mais madame est ma fiancée. Et votre fiancée? Ma fiancée, oui, madame, et je ne veux pas qu'elle reste ici. Mais vous avez une certaine audace, par exemple. C'est mieux que je m'en aille, señora. Christina, je vous prie de rester. Madame est ma belle-fille, monsieur, et je n'ai pas fini de lui parler. Alors, il a le droit d'écouter. Non, vous n'avez qu'un droit, celui de disparaître. Antoine, soyez assez bon pour faire sortir monsieur. Allons, monsieur Carlos, vous voyez bien que vous ne pouvez pas rester ici. Je resterai tant que madame, elle restera. Enfin, Antoine, comment pouvez-vous tolérer une chose pareille? Mais je fais ce que je peux, madame, monsieur Carlos, je vous prie de vous retirer. Je regrette, mais je ne me retirerai pas. Prenez garde, monsieur, je vous préviens que mon fils est dans la chambre à côté. Votre fils? Philippe est là? Oui, il est là. Oh, il ne veut pas le voir. Non, rassurez-vous, il m'a promis de ne pas entrer. Mais je conseille à ce monsieur de ne pas mettre sa patience plus longtemps à l'épreuve. Autrement, je ne réponds plus de rien. Non, il faut partir cette fois, monsieur Carlos. Ah. Sinon, vous avez entendu, madame ne répond plus de rien. Fuir, moi, il y a mais de la vie qu'il entre. Il y a la table. Non, non, monsieur Carlos, il y a assez de bruit comme ça pour aujourd'hui. Venez avec non, moi. Non, non, non, puisqu'il est là, je vais avoir une explication non, avec lui. Oui, mais pas ici, monsieur Carlos. Mais... En, non, en dehors de l'hôtel, tant que vous voudrez, mais pas ici. Ah, vous avez tort de jouer avec le feu, monsieur. Vous devriez savoir que mon fils n'a pas l'habitude de se laisser provoquer sans répondre. Et vous dites qu'il y ait la table, monsieur Carlos. Eh bien, non, vous pourriez payer cher votre imprudence. Non, non, mais... La promesse qu'il m'a faite de ne pas entrer l'a retenue jusqu'à présent, mais à votre place, je ne tenterai pas le sort plus longtemps. Cara, est-ce qu'il va venir à la fin? Alors, cette fois-ci, M. Carlos, il n'y a plus à discuter. Il faut venir avec lui. Laissez-moi, je vous dis. Je vous dis de me laisser. Carlos, anda. Me marcho contigo. Tu vienes? Mais oui, elle vient. Marchate delante. Hablo dos palabras con la signora y vengo. Me le juras? Mais oui, elle le jure. Te lo giuro per mia madre. Là, lì vuoi voglio bien. Mira, che cobarde, mi ha tenuto, mieno. Signora, ne dire più a presente che Filippo il meme ancora, eh? Ma chère enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour Christina, pourquoi emmène-t-on Carlos? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, je t'expliquerai. Dites, signora, que répondez-vous? Mais ce que je réponds... Mais tout simplement que Philippe n'a jamais été à côté. C'est une histoire que j'ai racontée pour faire partir cet énergumène. Il n'est pas là? Mais non, voyons. Il est parti depuis longtemps. Oh, Seigneur, la vérité, je vous en prie. Mais je vous l'ai dit, ma chère enfant. Entrez! Si madame voulait ne pas trop tarder à venir, parce qu'il commence à s'énerver. Antoine, dites-moi si c'est vrai. Mais quoi donc, madame? Que Philippe, il n'a jamais été là, que la signora seulement dit ça pour que Carlos, elle s'en aille. J'ai toujours pensé que si monsieur Philippe avait été là, il serait entré, madame. Vous voyez... Signora, permettez qu'Antoine il aille voir. Il faut que j'y sache, c'est très important. Mais, naturellement. Allez, Antoine, je vous en prie. Bien. Il n'y a personne, madame. Oh, je préfère. Merci, Antoine. Mais ce n'est rien, madame. Christina! Viene, sono viene! Si, io vengo. Merci, Antoine. Ce n'est rien, madame. Le hall du palace, vers 10h du soir, au mois de mai. Monsieur et madame prendront du café? Oui. Pour moi, un tilleul. Pas de liqueur? Ah non. Tu dois comprendre que c'est une situation que moi, je ne peux plus y rester. Non. Tu veux me dire qu'est-ce qu'il va changer si je t'épouse? Mais tout va changer. Alors moi, je ne serai plus le gigolo. Je serai les maris, comme tous les autres. Les gigolos, je ne veux plus être. De ça, j'ai déjà trop souffert dans le passé. Moi, je n'ai pas été élevé à ça. Quand je pense à ma pauvre mère, qu'elle est là-bas, à Lima, et que je ne l'ai pas vue depuis 5 ans, et que tu m'avais promis que nous irions la voir tous les deux. Ah, depuis longtemps que tu n'avais pas parlé de ta mère. Ma mère est ma mère, et j'étais pris de la respecter. Oh, quelle calamidad. No me habías dicho que íbamos junto a ver a mi madre. Parle français. Il dit que peut-être nous serions un jour, mais il n'est pas dit quand. Tu as dit cet été. Non. Si. Eh bien, il changeait ta fille. Voilà tout. Alors, l'été prochain. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est bien entendu que nous allons nous marier avant. Mais pourquoi? Mais Christine, est-ce que tu te figures que je peux aller voir ma mère avec toi sans être mariée? Mais pourquoi non? Alors on voit que tu ne connais pas ma mère. Serait mieux pour elle de me voir mort que vivant dans les concubinages. Et dans ce cas, c'est peut-être mieux de nous quitter. Tu veux me quitter? Ah, c'est fort. Tu veux me quitter? C'est vrai? Ah, tous les jours, tu dois me fatiguer avec cette question de mariage, alors sûrement que je vais te quitter. Le tilleul pour madame? Non, pour monsieur. Christine. Quoi? Tu sais ce que j'ai fait si tu me quittes? Oui. Je veux me tuer. Tu me l'as déjà dit. Mais je le ferai, tu entends, je le ferai. Ah, c'est fort. Carlos? Quoi? Tu m'as encore pris sa fille. Eh, tu l'avais oublié sur la table. Oh, je ne l'avais pas supplié, dis-tu. C'est toi qui te l'ai pris, allez-moi. Ah, tiens, le voilà. C'est

Une dame qui vient d'arriver en auto, une américaine. Vous venez au bal, n'est-ce pas, Christina? Au bal? Le bal de l'Interallié. Maintenant? Comment? Il faut absolument que vous veniez. Vous aussi, Carlos. Ah. Mais nous n'avons pas reçu d'invitation. Eh bien, je vous invite, moi. Maman est du comité. Ce serait malheureux que je ne puisse pas inviter qui je veux. Ce sera très bien, vous savez. Il y aura tout Paris. Et il y a une tombola avec des objets magnifiques. Alors, vous venez, n'est-ce pas? Que dit Carlos? Alors, il doit aller chez moi, me changer. Pourquoi je n'ai pas mis que mon smoking? Moi aussi, je dois me changer. Eh bien, vous savez pas? Pendant que Christina va monter s'habiller, moi, je vous conduis jusque chez vous. Je vous attends en bas et nous repassons la chercher. Ça va comme ça? Mais il peut demander un taxi. Mais pourquoi? Puisque j'ai ma voiture à la porte. Mais oui, va, Carlos. Va. Alors, je vous remercie. Tiens, mettons-nous là. Ah, Christina, ça va recommencer, les sourires. Ah, déjame une passe. Maman, ne m'attendez pas pour partir. Je vais de mon côté avec Christina et Carlos. Bon, alors. Comment, elle emmène ce Carlos? Enfin, elle aurait pu me demander mon avis. Je suis très contente que Christina vienne, mais lui... Ah, oh, voilà Manuel. Bonjour, mon grand. Bonsoir, mon grand. Je suis pas en retard. Non, il suffit que nous arrivions là-bas vers 11h. Ah, bonsoir, Paris. Ah, j'ai eu une visite avant le dîner. Qui ça, mon grand? Philippe. Ah, bah nous aussi. N'est-ce pas, Clarisse? Oui. Et ta sœur également. Il fait la tournée complète, alors. Il venait aussi pour t'emprunter de l'argent. Oui, oui. Bah, j'espère que tu as refusé. Bah, et pour cause, tu sais combien il voulait? 30 000 francs. Ouais, parfaitement. Oui, il a demandé la même somme à tout le monde. Et tu sais pourquoi? Oh, il m'a raconté une histoire d'automobile à laquelle j'ai rien compris. D'ailleurs, comme j'étais bien décidée à ne rien lui donner... Et il prétend qu'il lui faut ses 30 000 francs pour empêcher sa Russe d'être arrêtée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, on l'avait chargée de vendre une Hispano. Elle a commencé par partir dedans avec Philippe pour passer la Pentecôte à Deauville. Oh, charmant. Elle a accepté ça, lui? Ah ben, il lui avait dit que c'était pour essayer la voiture. Arrivée à Deauville, elle conduit la voiture dans un garage et se fait avancer 30 000 francs dessus en disant qu'elle veut la vendre. Oh, bravo! Elle se précipite au casino avec les 30 billets... Ah oui, bah, je vois la suite. Ah bah naturellement, elle perd. Tiens, bonsoir, monsieur Manuel. Bonsoir, Antoine. Très heureux de vous voir ici, monsieur Manuel. Madame est en bonne santé? Comme d'habitude. Enfin, il y a un plus pour bien longtemps, c'est pour le début de juillet. Ah, mes compliments, monsieur Manuel. Merci. Madame sait que Mrs. Freeman est arrivée? Dorothée? Non, mais quand? Il y a un petit moment, madame. Elle vient de Florence, en auto. Ah, ah. Clarisse, qu'est-ce que tu dis de ça? Elle est seule? Oui, madame. Pas de Bella Rosa, vous en êtes sûre? Non, non, madame, elle est toute seule. Tu vois? Mais quoi? Qu'est-ce que je vois? Eh ben, elle est tout de même revenue. Où est-elle? Est-ce qu'on peut la voir? Elle est montée à son appartement pour se changer, madame. Elle va redescendre. Elle était un peu fatiguée par le voyage, mais quand je lui ai dit que madame et monsieur Jimmy étaient là, elle a dit qu'elle allait venir. Tu as entendu? Merci, mon bon Antoine. Ce n'est rien, madame. Il faut tout de suite avertir Jimmy, où est-il? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, devine qui vient d'arriver? Qui? Dorothée. Ah oui. Eh ben, c'est tout l'effet que ça te fait. Oh, tu sais, je m'y attendais. Enfin, tu es content? Oui, naturellement. Il faut absolument qu'elle vienne à ce bal. Eh ben, il n'y a qu'à lui proposer. Et Nicole, alors? Ah, c'est vrai, ça. Tu vois l'inconvénient d'avoir amené cette petite ici ce soir. Qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Mais t'en fais pas, maman. Tout ça s'arrangera très bien. Tu n'as pas l'intention de continuer ce flirt ridicule devant Dorothée, j'espère. Dis, maman, tu veux me laisser faire à mon idée? N'oublie pas que Dorothée est américaine. Et après, elle est tout de même revenue, toute américaine qu'elle est. Ça, il a raison. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle te voulait, ta mère? Dorothée vient d'arriver. Oh. Tu vas pas pleurer. Qu'est-ce que tu veux? Il fallait s'y attendre un jour ou l'autre. Les vacances sont finies, voilà tout. Elles n'ont pas été longues, les vacances. Un mois, c'est tout de même mieux que rien, non? Mais c'est fini. Mais fini, c'est sûr. Mais comment veux-tu que je te dise? J'en sais rien, ça dépend comment les choses vont tourner. Oh, ce que je voudrais qu'elles tournent mal. À quoi ça t'avancerait-il? Si c'est pas elle, ce sera une autre. Il faudra toujours que je me marie, n'est-ce pas? Mais enfin, ce n'est pas tellement pressé. Oh, un peu plus tôt, un peu plus tard. Alors moi, je compte pas. Mais si. Seulement, que veux-tu? Il faut aussi penser aux choses sérieuses. Oh, tiens, c'est trop injuste à la fin. Oh, écoute, Nicole, je t'avais prévenu. Je t'ai toujours dit la vérité, reconnais-le. Mais ça n'est pas plus gai pour ça. Qu'est-ce que je peux y faire? Mais pourquoi dis-tu que tu m'aimes, alors? Parce que c'est vrai. Oh, Oh, mais ce serait trop beau si on pouvait épouser la femme qu'on aime. Ou l'homme. Bien sûr. Et pourtant, elle peut bien t'épouser, elle. Pourquoi? Ah, elle, elle. Parce qu'elle a de la veine. Que veux-tu? Jimmy? Quoi? Viens un peu. Clarisse trouve que tu devrais au moins monter prendre des nouvelles de Dorothée. Puisqu'elle va descendre. Ça ne fait rien, ce serait plus gentil. Mais oui, mais voilà, c'est que justement, je tiens pas à être gentil. Du moins, pas encore. Tu as tort. Je ne crois pas. Oh, c'est un très mauvais système avec les Américaines. Ma pauvre Clarisse, elles sont comme les autres, allez, les Américaines. Elles veulent que je m'en aille, probablement. Mais non, pas du tout. Mais moi, j'aimerais mieux m'en aller. T'es folle. Nicole, tu vas venir à ce bal, n'est-ce pas? Elle n'ira pas, elle? Je pense que si, mais c'est pas une raison. Alors laisse-moi rentrer, Jimmy. Mais je te demande de rester. Mais pourquoi faire? Ah, la voilà. Bonjour, ma petite Dot, et comme je suis contente de vous revoir. Bonsoir. Hello. Oh, good evening. Vous avez fait bon voyage? Oh, excellent, merci. Had a good time over there? Oh, lovely. Hello, Jimmy. Hello, Dot. How are you? Fine, thank you. Et le cher Francesco, comment va-t-il? Oh, très, très bien. Et vous envoie ses amitiés. Merci. Je vous annonce que nous vous enlevons tout à l'heure. Vraiment? Oui, vous allez venir avec nous au bal de l'Interallié. C'est au profit de mon œuvre, vous savez. Je voudrais bien m'en aller, Jimmy. Bon, eh ben, pars, puisque tu ne veux rien comprendre. Comprendre quoi? Mais tu vois pas que tu peux m'aider en ce moment? T'aider? Dame. Tu veux la rendre jalouse, c'est ça? Ah, tout de même. Tu pourrais bien demander ça à quelqu'un d'autre. Mais je pensais que t'aimerais me rendre service, voilà tout. Mais pas pour ça, tout de même. Bon, bah bon, Nicole, n'en parlons plus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien. Tu peux bien me répondre. C'est inutile, puisque tu veux pas m'aider. Oh, tu sais bien que je fais toujours ce que tu veux. Écoute, tu n'as qu'à me regarder en ayant l'air très gaie et très heureuse. C'est pas difficile. Oh bah ça alors. Attention, la voilà qui vient. Elle a l'air un peu plus gaie que ça, voyons. Je fais ce que je peux. Je peux m'asseoir. Mais bien sûr. Vous connaissez Nicole? Je n'ai pas ce plaisir. Nicole Martin, une amie de ma sœur, Dorothée Freeman. Enchantée. Alors, bien amusée à Florence? Oh, énormément. Vous avez laissé Francesco là-bas? Mais oui. Vous n'avez pas peur qu'il vous oublie? Qu'est-ce que ça peut me faire? Ah, je croyais. Je n'aime pas Francesco. Ah non? Vous savez très bien que je ne l'aime pas. Moi? Mais je vous croyais sur le point de l'épouser. Don't be stupid. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? C'était très gay ici. Oh, comme d'habitude. N'est-ce pas, Nicole? Quelques dîners. Ah, et puis un week-end au Touquet pour la Pentecôte. Avec qui? Eh ben, Nicole, Lily et moi. Ah. Ah oui, ça a été très gentil. N'est-ce pas, Nicky? Oui. C'est longtemps que vous vous connaissez. Nicole et moi? Mm-hmm. Oui, c'est presque une amie d'enfance. N'est-ce pas, Nicky? Oui. Nicky! Nicky! Tu entends? Notre tango, tu veux qu'on le danse? Si tu veux. Vous nous excusez, Dot. Mais comment donc? À tout à l'heure. Peut-être. Comment il la laisse seule? Ah, il va un peu loin. Alors, si c'est une vraie Américaine, elle ne doit jamais lui parler. Je vais un peu lui parler. Je viens vous tenir compagnie, ma chère petite. Vous voulez bien? Mais certainement. Oh, je suis très contente que vous soyez revenue, Dot. Vous me manquiez beaucoup. Oh, vraiment? Vraiment? J'ai beaucoup de sympathie pour vous. Merci. Oh, comme ça a été gentil notre petit séjour à Biarritz, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous avons été désolés d'être obligés de partir si brusquement. Jimmy, surtout, naturellement. Qu'est-ce que c'est que cette Nicole? Oh, c'est une amie de ma fille, de Lily. Elles étaient ensemble en pension. Ah. Elle est jolie, n'est-ce pas? Très jolie. Oh, et c'est gentil. Est-ce qu'elle a de la fortune? Oh, c'est-à-dire, elle a des espérances, voyez? De jolies espérances. Qu'est-ce qu'il y a entre elle et Jimmy? Oh, pas grand-chose. Un petit flirt, probablement. Est-ce qu'il est amoureux d'elle? Oui, mais pas sérieusement. Et elle? Elle? Oh! Elle en est folle, naturellement, la pauvre petite. Alors, pourquoi elle ne l'épouse pas? Mais, parce que... elle n'a rien de ce qu'il faut pour le rendre heureux, voyez. Vous devriez bien me donner un conseil, tenez, Dorothée. Moi? Oh, ce n'est pas que j'ai peur de prendre mes responsabilités, ça non. Le jour, par exemple, où une femme qui aurait tout ce qu'il faut pour faire le bonheur de mon petit Jimmy viendrait me demander mon appui, je le lui donnerais tout de suite, ça a de grand cœur. Il y a des circonstances où une mère n'a pas le droit d'hésiter. Seulement, voilà. Cette femme-là existe-t-elle? Ah, voilà. Et pourtant, quel mari ce serait. Mais ça, pour s'en rendre compte, il faut le connaître comme moi. Est-ce qu'il n'est pas un peu jeune pour se marier? Jimmy? Il a seulement 24 ans, non? Mais oui, mais il est tellement plus vieux que son âge. Il a les goûts d'un homme de 40 ans. Vraiment? Je vous assure. Alors c'est trop vieux pour se marier? Oh, j'exagère peut-être un peu, mais enfin, mettons 35 si vous voulez. Non, ce qu'il aime, je vais vous le dire, moi. C'est de rester chez lui à lire, à faire de la musique. Vous savez, comme il joue du piano. Et à bavarder, voilà. Le jour où il aura une femme à lui et un intérieur confortable, oh, ah, je vous jure qu'il n'en bougera guère. Les bars, les dancing, les restaurants de nuit, oh, oh, au fond, il a horreur de ça. Ce sera pas très gai pour sa femme, alors? Oh, naturellement, il irait si ça lui faisait plaisir. Non, je veux dire que personnellement, il n'y tient pas, voilà tout. Son rêve, ça lui me l'a dit souvent, c'est de vivre en voyant le moins de gens possible entre sa femme et ses enfants. Des enfants? Oh. Ah oui, pas tout de suite, naturellement, pas tout de suite. Plus tard, quand il aurait eu le temps de s'amuser un peu, de voyager. Oh ça, alors Jimmy adore les voyages. S'il avait voyagé autant que moi, il adorerait plus ça. Ah oui, forcément. Enfin, quand je dis qu'il adore les voyages, c'est pas une idée fixe chez lui, non. Non, à vrai dire, il y a surtout un pays qu'il tente, ça c'est l'Amérique. Ah, ça alors, il en rêve. Je crois que ce serait dangereux d'emmener Jimmy en Amérique. Dangereux? Et il y a beaucoup de jolies femmes en Amérique. Oh, alors ça, vous ne le connaissez pas. Du jour où il sera marié, aucune femme n'existera pour lui, ça je peux vous le dire. On peut seulement juger avec ce qu'on voit. Oh, je suis sûre que c'est ce petit flirt avec Nicole qui vous inquiète. Mais ça compte pas, voyons. Oh, je vous demande pardon, je trouve que ça compte, moi. Malheureusement, je ne pourrai pas aller au bal. Qu'est-ce que vous dites? Je suis assez fatiguée, je préfère me reposer. Non, Dorothée, vous n'allez pas faire ça. Si, vraiment, je vais vous dire bonsoir maintenant. Mais Dad, voyons, c'est stupide. Non, je vous assure, c'est mieux. C'est good night. Aren't you going to the dance? No, I am rather tired. Oh. Oh, peut-être que vous voudrez bien dire bonsoir à Jimmy pour moi. Je ne voudrais pas le déranger. Dorothée! Good night. Allons, bon. Tu vois ce que je t'avais dit? Ces choses-là ne prennent pas avec une Américaine. Jimmy, veux-tu venir? Vous savez qu'il est 11h passé? Oui, eh bien tu en fais de belle, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a que Dorothée est furieuse de la façon dont tu viens d'agir avec elle et qu'elle ne veut plus venir au bal. Mais je vais arranger ça, ne t'en fais pas. Tu feras bien d'être gentil si tu veux la décider. Mais oui, mais oui. Oh, ça n'y compte pas. On ne fait pas changer d'avis. Ah, une Américaine. Oui, je sais, c'est entendu. Manuel, tu serais gentil de demander nos manteaux, mon grand. Je tiens à vous dire, madame, que c'est Jimmy qui a voulu que nous allions danser. Ben vous auriez dû vous rendre compte, ma chère enfant, et ne pas accepter. Vous devriez l'empêcher de faire des choses qui risquent de compromettre son avenir. Oh bien ça alors, il y a une demi-heure que je le supplie de me laisser m'en aller et qu'il ne me le permet pas. Ben, il fallait être plus raisonnable que lui, et vous passer de sa permission, voilà tout. Ah, eh bien. Partez devant, je vous rejoindrai. Mais est-ce qu'elle vient? Mais oui! Nicole, attends un instant, faut que je te parle. Eh bien? Eh bien quoi? Ça t'ennuie, hein, qu'elle vienne. Avoue-le. Moi? Je suis enchantée. Mais ça prouve que ce n'est pas une vraie Américaine. Écoute, Nicole, je t'avais demandé tout à l'heure de venir à ce bal, mais maintenant... Maintenant, il ne faut plus que je vienne. Mais, tu veux que je te mette dans un taxi? Oh non, merci, ne t'occupe pas de moi. Embrasse-moi, alors. Ce n'est pas la peine. Tu m'en veux? Mais non. Va, va, il ne faut pas la faire attendre. Tu viendras me voir demain matin? Non. Pourquoi? Je te raconterai ce qui se sera passé. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que t'as? Mais je n'ai rien, va-t'en, va-t'en, va! Mais tu viendras. Je n'en sais rien. Eh bien, Jimmy, tu viens? Voilà! Ne viens pas plus tôt que 10h30 parce que j'ai rendez-vous avec le coiffeur. Bonsoir, mon petit. Amuse-toi bien. Oh non, non, ne sois pas ironique, veux-tu? Il ne faut pas pleurer comme ça, mademoiselle. Je sais bien, c'est idiot. C'est plutôt que ça n'en vaut pas la peine. Je peux pas m'en empêcher. Est-ce qu'ils sont partis? Oui, mademoiselle. Alors vous voulez me faire demander un taxi? Tout de suite, mademoiselle. Voilà, mademoiselle. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, mademoiselle. Bonne nuit. Oh, ça? Il faut dormir, mademoiselle. Sans ça, vous n'aurez pas bonne mine demain matin. Je tâcherai. Merci, Antoine. Ce n'est rien, mademoiselle. Ah, Antoine. Ah, bonsoir, monsieur Philippe. Eh bien, avez-vous réussi? Oh, pensez-vous. La famille m'a envoyé promener avec un ensemble touchant. Quant aux amis, les uns n'étaient pas chez eux, les autres se trouvaient, comme par hasard, un peu gênés en ce moment. Ah, que voulez-vous, monsieur Philippe? C'était malheureusement à prévoir. Oui, oh, ça, je sais bien. Ils n'ont qu'un désir, tous, et que je ne trouve pas cet argent pour que, bon gré, mal gré, je sois séparé de Louba. Mais ça, ils ne me connaissent pas. J'irai plutôt en prison à sa place. Mais je comprends bien, monsieur Philippe, mais... Mais oui, mais il me faut ces 30 000 francs. Il n'y a pas à dire. Et toi, si j'en parlais à Christina... Ah, peut-être, monsieur Philippe, seulement... Je vous prie de croire que si je me résigne à ça, c'est que je ne peux pas faire autrement. Parce que demander de l'argent à ma femme pour sauver ma maîtresse, c'est une chose qui n'est pas précisément agréable. Mais que voulez-vous? Oui, monsieur Philippe. Seulement, elle n'est pas là. Elle n'est pas là? Mais non. Ils sont tous allés au bal de l'Interallié. Madame Philippe, monsieur Pinto, mademoiselle Lily, tout le monde. Oh, décidément, alors le sort est contre moi. Oui, ce n'est pas de chance. Vous seriez venu il y a seulement 20 minutes. Non. Vous la trouviez toute seule chez elle. Monsieur Pinto était parti s'habiller. Maintenant, Dieu sait à quelle heure ils vont rentrer. Et puis, pour pouvoir lui parler, à moins que vous ne puissiez attendre jusqu'à demain. Elle est souvent seule le matin. Mais si le vendeur n'a pas l'argent avant 8 heures, il dépose sa plainte et Louba est arrêté, comprenez-vous? Ce n'est pas demain qu'il me le faut. Là, c'est maintenant, là, c'est tout de suite. Ben oui, monsieur Philippe, mais où le trouver? Ça, je n'en sais rien, mais il me le faut. Vous connaissez la comtesse Polaki, monsieur Philippe? La comtesse Polaki? Oui. Oui, c'est un nom qui me dit quelque chose. Pourquoi? Oh, rien. Non, parce que je pensais que si vous l'aviez connue, vous auriez pu lui demander à elle de vous avancer cet argent. Ah oui, mais je ne la connais pas. Ah. Non. Vous pourriez peut-être lui demander tout de même. Sans la connaître? Enfin, comment voulez-vous? Elle me prendrait pour un fou. Oh non, monsieur Philippe, une dame qui comprend les choses. Enfin, sous quel prétexte lui demanderais-je? Oh, il n'y a pas besoin de prétexte. Elle a l'habitude. C'est une dame qui s'intéresse beaucoup aux messieurs, surtout quand ils sont beaux comme vous, monsieur Philippe. Ah bon? Oui, justement, elle est toute seule en ce moment. Elle s'ennuie. Vous pourriez toujours essayer. Maintenant, je vous dis ça, moi, n'est-ce pas? C'est pour vous rendre service. Oui. Et il faudrait payer en nature. Je suppose. Bah, au moins un petit à-compte, monsieur Philippe. Oui. Dites-moi, la comtesse Polaki, ce n'est pas une petite brune, hein? Ah non, ça c'est la jeune. Ah. Oui, non, celle-ci c'est l'autre. Celle qui a une écurie de course. Ah oui. Et, oh, elle est très connue. Et quelle... enfin, comment est-elle? Oh, c'est une dame très gentille, très bien élevée. Oui, non, mais enfin, je veux dire, physiquement. Elle n'est pas... Elle n'a pas dû être mal. Ah, oui. Quel âge? Dans les... 40, 45. Pas plus, hein? Pas beaucoup plus. Enfin. Je vous offre ce que j'ai, monsieur Philippe. Oui. Naturellement, nous ne serions pas si pressés, je ne dis pas qu'on ne trouverait pas mieux. Mais à cette heure-ci. Et juste ce soir, il y a le bal d'un interallié. Alors toutes ces dames y sont, c'est plus que certain. Ouais. Mais dites-moi, vous êtes sûr que... Enfin, que ça l'intéresserait, celle-ci? Oh, ça peut l'intéresser. Ça l'intéressera. Non, ce serait plutôt la question du chiffre. 30 000 francs, dame. Ah ouais, elle trouvera que ça ne les vaut pas. Oh, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, monsieur Philippe. Non, seulement, d'après le personnel, ici, c'est une dame qui n'attache pas son chien avec des saucisses, comme on dit. Elle est plutôt serrée. Ah ouais, c'est gai. Alors, si j'avais quelqu'un d'autre sous la main, ce serait avec plaisir, monsieur Philippe, vous pensez bien. Dites-moi, est-ce que je peux la voir? Oui, attendez, une seconde. Tenez, voilà, c'est elle qui parle avec Jules là-bas. En jaune? Oui. Oh là là. Ah, je vous ai pas dit qu'elle avait 20 ans. Oh, mais ça va être affreux, Antoine. Ah, alors, il ne faut pas le faire, monsieur Philippe. Mais est-ce que j'ai le choix? Ah, mais tant pis, que voulez-vous, hein. Alors, nous y allons? Ah oui. Vous verrez, de près, elle n'est pas si mal que ça. Mais vous allez lui dire un mot, vous d'abord, hein, Antoine. Ah, vous savez, enfin, il faut que ce soit vous, monsieur Philippe, autrement... Oh, merci. Dans ce cas-là, le mieux serait que vous alliez attendre quelques instants dans la galerie. Oui. Pendant ce temps-là, je lui parlerai. Pas un mot de Louba, hein, n'est-ce pas? Non, je dirais que vous avez perdu au jeu. Non, je crois qu'elle vient par ici. Comment est-ce que je suis? Vous n'avez pas trop mauvaise mine? Non, monsieur Philippe. Ah, monsieur Philippe, monsieur Philippe, repassez là dans un moment, et puis vous irez vous asseoir un peu plus loin. Ah bon, pourquoi? Pour qu'elle vous voie, monsieur Philippe. Oh, c'est vrai, c'est juste. Mm-hmm. Antoine. Ah, madame la comtesse. Qui est ce monsieur? C'est monsieur Philippe Leroy Gomez, madame la comtesse. Encore un Leroy Gomez? Matin, quelle famille? Ah oui, ça. Je ne sais pas si je ne préfère pas celui de tout à l'heure, par exemple. Il avait de bien beaux yeux. Ah oui, oui. Pourtant, en général, on préfère monsieur Philippe. On trouve qu'il fait plus homme. Question de goût. Sûrement, madame la comtesse. Quelle morne soirée, mon pauvre Antoine. Il n'y avait personne au bar, madame la comtesse? Personne d'intéressant, en tout cas. Des Américains en train de boire, quelques petits jeunes gens qui s'amusent entre eux. La misère, quoi. Tiens. Au fond, je crois que je vieillis, voyez-vous, Antoine? Oh, madame la comtesse. Ah, si. Je ne m'amuse plus aussi facilement. C'est que je n'ai plus 20 ans, vous savez. Ni même 30. Oh, c'est vrai, madame la comtesse. Quel âge me donnez-vous? Eh bien, justement, nous en parlions à l'instant avec monsieur Philippe. Ce monsieur? Oui, madame la comtesse. Mais il ne me connaît pas. Oh, si, madame la comtesse. Où donc m'a-t-il connu? C'est-à-dire, il paraît qu'il a souvent cherché à se faire présenter à madame la comtesse, mais comme un fait exprès, ça ne s'est jamais trouvé. Tiens, et vous discutiez mon âge? Ah, madame la comtesse m'excusera. Me voyons. Et quels étaient vos pronostics? Eh bien, je disais dans les 37 ou 38, monsieur Philippe lui disait... pas plus de 34. C'est vous qui étiez dans le vrai, Antoine. Oh. Il s'appelle Philippe? Oui, madame la comtesse. C'est un joli nom. C'est vrai qu'il est bien. Vous avez raison, il fait plus mal que son frère. Oh, ça ne se compare pas, madame la comtesse. Où est-il allé, par là? Je ne sais pas, madame la comtesse. Il n'est pas parti, au moins? Non, je ne pense pas. Dans son par-dessus, là. Ah non, il est assis dans la galerie. Qu'est-ce qu'il attend, là, tout seul? Il aura sans doute vu en passant que madame la comtesse était ici. Mais vous croyez vraiment que je l'intéresse tant que ça, Antoine? Si je pouvais répéter à madame la comtesse ce qu'il m'a dit tout à l'heure, elle n'en douterait pas. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je crois qu'il vaut mieux qu'il le répète lui-même à madame la comtesse. Mais comment? Puisqu'il ne m'a pas été présenté. C'est vrai. À moins que madame la comtesse ne consente à passer sur cette formalité. Ce n'est pas très correct. Qu'est-ce que vous croyez, Antoine? Bon, à cette heure-ci, madame la comtesse. C'est vrai. Il est toujours là. Comme il a l'air triste. Oui. Ça lui va bien, d'ailleurs. Pourquoi est-il si triste? Vous ne savez pas? Je crois qu'il a des ennuis en ce moment. Hein? Quel genre d'ennuis? Il joue beaucoup. Mais il n'a guère de chance, à ce qu'il paraît. Oui. Mais j'ai entendu dire qu'il avait perdu une certaine somme ces jours derniers. Ah, voilà. Oui, comme il n'a pas de fortune personnelle. Ouais. On dit même qu'il a perdu sur parole et qu'il n'a pas encore pu régler. Mais il n'a donc personne à qui emprunter. Monsieur Philippe, oh, ce ne sont pas les relations qui lui manquent. Il connaît tout ce qu'il y a de mieux à Paris. Eh bien alors? Ah, mais c'est qu'il est fier, Madame la Comtesse. Il n'y a pas plus fier que Monsieur Philippe. Probablement que ça l'humilie de demander. C'est toujours une chose désagréable de demander. Ah, ça, c'est bien vrai, Madame la Comtesse. De quelle somme s'agit-il? Oh, ce n'est pas une bien grosse somme. J'ai entendu parler d'une 30 000 francs. Et vous trouvez que ce n'est pas une grosse somme? Bah, c'est-à-dire, n'est-ce pas, ça dépend des disponibilités qu'on peut avoir. Si, par exemple, si une de ces dames comme Mrs. Gerst ou Madame de Colorado savait ça, justement, Mrs. Gerst est arrivée de New York avant-hier. Hein? Oui, Madame la Comtesse. Eh bien, je suis sûr que si on lui disait ça, elle n'hésiterait pas une seconde. Ces dames américaines sont si généreuses toutes les fois qu'on leur signale une situation intéressante. Ces dames américaines ont des moyens que nous autres pauvres Européens n'avons pas, Antoine. Bien sûr, Madame la Comtesse, bien sûr. 30 000 francs, vous comprenez? Mais, oh, mais je comprends, Madame la Comtesse. Si encore c'était en plusieurs fois. Une dette de jeu, Madame la Comtesse, doit comprendre que... Une dette de jeu, c'est une dette comme une autre. Ça se négocie. On offre une partie comptant et le reste par paiement échelonné. Dans ces conditions-là, je pourrais peut-être envisager de lui rendre ce service. Mais 30 000 francs, d'un coup, non. Ce serait de la folie. Mais, si Madame la Comtesse voulait lui en parler, ça pourrait peut-être s'arranger tout de même, je ne sais pas. Eh bien, parlez-lui, vous. Madame la Comtesse m'excusera, mais si je commençais à m'occuper de ces choses-là, Dieu sait ce qu'on trouverait le moyen de dire. Je comprends, mais comment l'aborder? Madame la Comtesse n'a qu'à faire semblant de croire qu'elle l'a déjà rencontré quelque part, comme on fait habituellement. Oui, je sais bien, mais je suis stupide, moi, pour ces choses-là. Je n'ai jamais su faire ça. Vous pouvez bien lui dire que je serais ravie de faire sa connaissance. Ce n'est pas compromettant. Ah! Il faut bien que ce soit pour Madame la Comtesse. Autrement... Appelez-le. Moi, je vais aller m'asseoir dans mon coin habituel, vous savez, au bout de la galerie. Oui, oui, je sais, Madame la Comtesse. On y est tranquille. Dites-lui que je le trouve très sympathique. Et envoyez-le moi, n'est-ce pas? C'est entendu, Madame la Comtesse. Enfin, c'est-à-dire... Je vais tâcher de le décider. Et surtout, qu'il n'ait pas peur. Je ne lui veux pas de mal. Elle ne veut pas. Mais si, monsieur. Mais alors pourquoi s'en va-t-elle? Elle va vous attendre au bout de la galerie pour que vous puissiez causer sans être dérangé. Ah bon? Alors elle accepte? Oui, enfin, elle dit qu'elle ne veut pas donner les 30 000 francs d'un coup. Ah non, non, non, ça n'est pas la peine. Mais elle les donnera. Elle dit ça parce qu'elle ne vous connaît pas encore. Vous croyez qu'elle... Enfin, qu'elle ne fera pas de difficultés, hein? Mais non, elle n'en fera pas. Parce que sans ça, hein, vous savez... Elle vous fait dire de ne pas avoir peur. Ainsi, vous voyez. Alors, vous croyez qu'il faut que j'y aille? Ça, monsieur Philippe, c'est à vous de décider. En tout cas, elle vous attend. Tenez, regardez, elle regarde par ici. Mais comment est-ce que je vais faire pour lui parler? Parce que je n'ai pas l'habitude de commencer, moi, avec les femmes. Ne vous en faites pas pour ça, monsieur Philippe. Allez vous asseoir à côté d'elle. Le reste s'arrangera tout seul. Regardez, elle vous sourit pour vous donner du courage. Philippe? Oh, Tina! Oh, mais ça, par exemple, c'est une veine. Mais pourquoi tu es ici? Eh bien, j'étais venu pour te voir. Et puis... Pour me voir? Oui. À moi, c'est vrai? Oui, oui. Et puis Antoine m'a dit que tu étais sorti. Mais madame n'a donc pas été au bal? Si, j'y étais, mais il me suis tellement ennuyée qu'il est parti. Mais monsieur Carlos... Oh, il est resté avec Lily pour attendre la tombola. Ah, bon. Je suis très contente qu'il soit revenu. Oh, eh bien, et moi... Tu es content? Oh, oh là, oh, tu ne peux pas savoir ce que je suis content. Tu veux nous asseoir ici un moment? Mais volontiers. Je vous demande pardon, monsieur Philippe. Vous n'avez plus besoin de la comtesse. Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en croyez? Je m'en vais toujours la faire attendre, hein, à tout hasard. Merci, Antoine. Oh, mais comme tu as mauvaise mine. Ah oui, ça se peut, oui. Pourquoi tu as cette mauvaise mine? Tu es malade? Non, je ne suis pas malade, seulement j'ai tellement d'embêtements en ce moment. Tu as beaucoup d'embêtements? Oh, pauvre chito. Mais pourquoi tu n'es pas venu me trouver à moi? Mais parce que tu es la dernière personne à qui je puisse m'adresser, voyons, Christina. Mais pourquoi? Est-ce qu'elle ne souhaite pas ta femme? Mais évidemment. Alors? Mais c'est justement pour ça. Oh, combien elle te faut? Mais non, je ne te le dirai pas. On ne peut pas accepter d'argent de toi, surtout dans cette circonstance. Oh, qu'est-ce que c'est, la circonstance? Mais j'ai besoin de 30 000 francs pour empêcher Luba d'être arrêtée demain, alors tu vois. Mais pourquoi on veut l'arrêter? Bah, elle a commis une imprudence. Toi, ton stylo? Oui, pourquoi faire? Donnez-le. Non, mais puisque je te dis que je ne veux pas. C'est assez, 30 000? Mais oui, mais je te répète que... Okay, non, il a fait le chèque. Au porteur, ça vaudra mieux. Tu es généreuse, Christina. Non. Moi aussi. Oh, ce n'est pas parce qu'il est généreux, c'est seulement parce qu'il t'aime à toi. Chère Tina. Et je me suis pourtant si mal conduit avec toi. Ah, ce n'est pas de ta faute. Ah, moi, il n'était pas assez joli pour toi. Bon, c'est pas ça. Ah, je le sais qu'elle est beaucoup plus jolie que moi. Mais non, je t'assure, ce n'est pas du tout ça. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, tu ne pourrais pas comprendre. Ah, pourquoi? Non, mais c'est une chose que je m'explique à peine à moi-même. Alors, quand nous nous sommes connus, il y a 3 ans, à Biarritz, tu ne peux pas savoir ce que je t'ai aimé. Oh, et moi? Jamais aucune femme ne m'avait plu autant que toi. C'est vrai. Ah, ben, tu te rappelles le premier soir, sur la falaise? Tais-toi. Comme ça a été gentil ces 2 mois là-bas, ben, tu te souviens? Ah, c'était merveilleux. Et puis tu m'as demandé de t'épouser, et alors, crac, là, ça n'a plus été pareil. Moi, il croyait qu'il était heureux. Mais bien sûr, oh, ça, tu m'as comblé. Ça, tout ce qu'un homme peut souhaiter, tu me l'as donné. C'est ça, justement, qui a tout changé. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Je ne pourrai jamais aimer une femme qui m'entretient, moi. Il n'y a rien à faire. De l'affection, de la reconnaissance, oui. Mais de l'amour, non, c'est impossible. Aussitôt que je lui dois tout, je n'ai plus qu'une idée, c'est de la tromper avec une autre. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça il y a 300? Tu en aurais poussé une autre. Et moi, tu m'aurais aimé. Ben, évidemment. Oui, évidemment, si on savait. Mais quand on sait, ben, il est trop tard. Il va falloir que je m'en aille, Tina. Oh, déjà? Oui, il commence à se faire tard, tu sais. Et puis, je suis bien fatiguée. Oh, pauvre. Alors, puisqu'il le faut... Oh, mais qu'est-ce que toi, Philippe? Non, c'est rien, la tête me tourne un peu. Oh, Santa Madonna, mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Rien, ne t'inquiète pas, ça va passer, ça doit venir de ce que je n'ai rien mangé depuis hier. Oh, il n'a rien mangé, Jesus mio. Oh, mais alors, tu vas prendre quelque chose avant de t'en aller. Mais non, ce n'est pas la peine, je m'arrêterai au bistrot avant de rentrer. Oh, non, ici, moi, je le veux. Antoine? Oui. Antoine, écoutez, ici, figurez-vous que depuis hier, n'a rien mangé. Oh, c'est vrai? Mais oh, c'est possible d'avoir tout de suite quelque chose? Mais bien sûr, hein? Madame, au restaurant? Oui, si vous voulez. Ou peut-être à l'appartement, parce que le restaurant, à cette heure-ci, ce n'est pas bien gai. Ou tu préfères, Philippe, c'est mieux à l'appartement, non? Non, mais je ne veux pas te déranger. Oh, me déranger. À l'appartement, toi. Bien, madame. Alors, un petit consommé. Oui. Ça, j'ai du caviar tout frais arrivé de ce matin. Oui, mettez-le, Antoine. Mais non, écoute, enfin, c'est pas la peine. Si, du caviar. Un peu de viande froide avec une petite salade de romaine. Oui. Et une compote pour terminer. Oui, voilà. Oh, enfin, c'est beaucoup trop. Voilà. Et comme boisson, un pommery 21 comme d'habitude. Oui. Ah non, ça, je suis plus entraîné au champagne, moi, je le supporterai pas. Non. De l'eau, tout simplement. Voilà, alors, de l'eau, mais très vite, Antoine. Mais tout de suite, madame. Tout vient, Philippe. Oui, voilà. Monsieur Philippe, pour la comtesse. Hein? Mais ça va, elle peut aller se coucher. Ah, bien. Ah, Antoine. Oui, madame. Quand viendra Carlos? Dites-lui qu'il était un peu fatigué, que je me suis couché. Bien, madame, oui, madame. Surtout, empêchez-le de monter. Hein? Mais qu'est-ce qu'il faudrait lui dire pour l'empêcher? Dites-lui ce que vous voudrez, moi, ça m'est égal. Oui, madame, mais s'il insiste. S'il insiste. Alors, donnez-lui cette bague. Bien, madame, mais ça suffira. Oh oui. Ah, Antoine. Madame. Mettez quand même la bouteille de Pommery. Oui, oui, madame. Je l'avais mise, à tout hasard. Merci. Jules. Oui. Jules, passez cette commande tout de suite et qu'on la monte au 204, aussitôt que ce sera prêt. Au 204. Oui, avec des couverts. Et qu'on se dépêche, hein, c'est pressé. Oui, oui. Ah, madame la comtesse. Vous allez justement prévenir madame que... Il a un certain toupet de me faire attendre comme ça, votre monsieur. Vous savez, Antoine. C'est comme un fait exprès, madame la comtesse. Il a fallu qu'il rencontre sa femme. Ah, il est marié. En plus, c'est complet. Oui, madame la comtesse. Et comme il ne s'était pas vu depuis longtemps, ils avaient probablement beaucoup de choses à se dire. Alors ça fait que... Alors c'est sans doute pour eux, ces deux couverts dont vous parliez, Jules. Mais justement, madame la comtesse. Charmant. Il me paraît inutile dans ces conditions d'attendre davantage, n'est-ce pas? Oh, ça, à la place de madame la comtesse, moi je sais bien que j'irai carrément me coucher. Eh bien, je me souviendrai de cette soirée, par exemple. Mais oui, il y a des jours comme ça, madame la comtesse. On a beau faire, rien ne s'arrange. Je ne regrette qu'une chose, c'est d'avoir perdu mon temps à vous écouter. Non, il ne faut jamais regretter d'avoir voulu faire une bonne action, madame la comtesse. Merci de vos conseils, Antoine. Ce n'est rien, madame la comtesse. Mais à l'avenir, vous voudrez bien adresser vos pauvres ailleurs. Bien, madame la comtesse. Bonne nuit, madame la comtesse. Bonsoir. On peut boucler, monsieur Antoine? Ça a l'air terminé pour ce soir. Oui, vous pouvez partir. Moi, il faut que j'attende monsieur Pinto. Encore une commission agréable, celle-là. Ah, le voilà, tenez. Bonsoir, monsieur Antoine. Bonsoir. Regardez, Antoine, ce que Carlos a gagné à la tombola. Un Picasso. C'est joli, hein? Ah, oui, ça. Antoine, madame, elle est montée? Oui, monsieur Carlos, mais elle m'a laissé quelque chose pour vous. Pour moi? Oui. Voilà. Le saphir? Elle vous a dit de me donner les saphirs? Alors elle veut me quitter, c'est vrai? Ah, je ne sais pas, monsieur Carlos. Elle m'a seulement dit de vous dire qu'elle était fatiguée, qu'elle allait se coucher, qu'il ne fallait surtout pas que vous mentiez. S'il insiste, elle a dit, vous lui donnerez ça. Alors, comme j'ai pensé que vous insisteriez, j'ai préféré vous le donner tout de suite. Alors, c'est fini? Non, ce n'est peut-être pas définitif, monsieur Carlos. Oh, si. Il sait depuis longtemps qu'elle avait assez de moi. Elle attendait seulement l'occasion. Et maintenant, elle est venue, l'occasion. Que disgrâce. Non, il ne faut pas vous désoler comme ça, monsieur Carlos. Moi, je lui avais tout sacrifié. Mon honneur, ma réputation, tout. Et voilà ce qu'elle a fait avec moi. Et toujours c'est ainsi avec les femmes. Toutes y sont pareilles. Mais vous exagérez, monsieur Carlos. Toutes ces dames ne sont pas comme ça. Demandez un peu à mademoiselle Lily ce qu'elle en pense. Oh, qu'est-ce que ça lui fait, ce que je pense? Est-ce que je compte, moi? Je ne suis qu'une pauvre petite couturière de 4 sous, moi. Mais ça n'empêche pas d'avoir un cœur, ça. Les femmes n'ont pas des cœurs. Non, ne parlez pas ainsi, Carlos. Vous ne savez pas ce que vous dites. Oh. Bon, ce n'est pas parce qu'une femme vous a déçu qu'il faut mal juger toutes les autres. Oh. Antoine a raison. Il y a des femmes capables d'apprécier un homme comme vous. Oh. Et capables aussi de l'aimer. Oh. Allez, oh, venez, non. Venez prendre un verre au bar. Oh, j'aimais bien. Alors. Vous êtes content, Jimmy? Dot, j'espère que vous n'en doutez pas. Vous croyez que vous serez heureux avec moi? Mais j'en suis sûr. Quand parlerez-vous à maman? Est-ce qu'il faut que je lui parle? Ah oui, parce qu'il y a un tas de questions que vous réglerez bien mieux toutes les deux. Vous savez, les chiffres, moi... Alors je lui parlerai demain. Bien. Ah, te voilà, Jimmy. Mais qu'est-ce que vous êtes devenus tous les deux? Nous sommes rentrés à pied. Bah, tu aurais bien pu me prévenir, alors. Nous vous avons cherché partout avec Clary, c'est extrêmement désagréable. Faut pas être en colère, madame, parce que j'ai quelque chose à vous demander. Et si vous êtes en colère, alors je pourrai pas. Et quoi donc? Je veux savoir si je peux aller vous voir demain matin pour parler de choses très importantes regardant Jimmy et moi. des choses. Comment? Jimmy, c'est vrai? Oui, maman. Oh, mes enfants, mes chers enfants, comme je suis heureuse. Mais quel petit cachotier! Il ne m'avait rien dit, vous savez. Vous voulez bien que je vous embrasse? Mais avec plaisir. Bonne nuit, ma chérie. Merci. Jimmy. Oui? Vous voulez venir me dire bonsoir dans un moment? Là-haut? Oui. Oh, je ne sais pas si je pourrais, vous savez. Pourquoi? À cause de maman. Si. Il faut pouvoir, Jimmy. Je tâcherai. Je vous attends. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon trésor. Et bravo. Je suis très fière de mon fils. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé en partant? D'aller lui dire bonsoir chez elle, tu penses? Oh, bah maintenant. Oh, bah zut, qu'est-ce que tu veux? D'abord, il est minuit passé. Et moi, j'ai envie de dormir. Tiens, Lily. Le mois de mai s'annonce encore meilleur. Ah. Si ça continue, je triplerai mon chiffre d'affaires cette année. Vraiment? Oh, d'ailleurs, l'année prochaine, j'ai l'intention de faire... Oh, mais c'est très intéressant, ça. Oh, mais j'aime pas beaucoup qu'elle se mette à fréquenter ce monsieur. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sortent ensemble? Ah, ça, elle est folle. Ma fille sort toute seule avec cet individu? Oh, mais ça ne se passera pas comme ça. Elle aura de mes nouvelles demain matin. Ah, ben, il manquerait plus que ça, par exemple. Oh, madame est injuste avec monsieur Carlos. Il vaut mieux qu'il en a l'air. Lui? Qu'est-ce qui vous prend, mon pauvre Antoine? La réputation de M. Pinto n'est plus à faire. Mais c'est un individu complètement taré. Enfin, c'est bien simple, c'est un homme qui vit des femmes. Voilà. Oui, oui, oui, madame, mais ça, n'est-ce pas? On le dit de tant de ces messieurs. Alors vous rentrez vous coucher, Antoine? Oui, madame, mais je vais faire un petit tour à pied avant. Pour faire de l'exercice? Oui, pour changer un peu d'air, madame. Le lendemain matin. Il vous demande pardon de vous déranger déjà à cette heure, Antoine, mais j'avais absolument besoin de vous parler. Mais ça ne fait rien, madame. Tout à votre disposition. Je veux vous demander un conseil. Oui, madame. C'est une chose très importante qui va du bonheur de ma fille. Oui, madame. Vous savez à quelle heure il est parti, Philippe? Non, madame. À 8 h ce matin. À 8 h? Sapristi, madame doit être contente. Oh. Mais Antoine, il ne peut plus me passer de lui, vous savez. L'amour avec lui, c'est une chose que je ne peux pas vous expliquer. Bien sûr, madame, ces choses-là, n'est-ce pas? Ça ne se discute pas. Ah, je ne peux plus le laisser aller avec cette ruse, Antoine. Ça me fait trop souffrir. Mais oui, madame, seulement voilà. Comment faire? Écoutez, moi, il y a une idée. Ah. Je vais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Oui, madame. Pardon, une seconde, madame. Qu'est-ce que c'est? Il y a Mrs. Girth qui téléphone. Elle demande si au déjeuner de ce matin, c'est l'ambassadeur des États-Unis qu'elle doit prendre à ses côtés ou Monsieur Paul Valéry. Dites-lui qu'elle m'envoie sa liste d'invités. Tenez, je la passerai moi-même. Ça vaudra mieux. Bien. Madame m'excusera, mais à cette heure-ci. Alors, madame était en train de me dire... Voilà. Hier soir... Philippe, il m'a dit une chose que, sur le moment, il n'y a pas fait beaucoup attention, mais qu'elle m'est revenue ce matin quand il a été parti. Mais quoi donc? C'est une chose extraordinaire. Vous savez pour quelle raison il a commencé de ne plus m'aimer à moi après le mariage? Non, madame. Pour la raison que moi, je lui donnais de l'argent. Pas possible. Si. Pour lui, c'est une chose qu'elle tout l'amour. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que c'est mon idée. Puisque si moi, j'ai de l'argent, il ne peut pas m'aimer. Moi, il veut me séparer de mon argent. Madame veut se séparer de son argent? Si. Moi, il ne tient pas à l'argent. Il tient seulement à l'amour. Oui, madame. Qu'est-ce que c'est que ça, l'argent? Rien du tout. Non, assurément, ce n'est pas grand-chose. Mais l'amour, ça, oui, c'est quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas connu qu'est-ce que c'est, vous, Antoine? Guerre, madame. Mais j'en ai beaucoup entendu parler, par exemple. Oh, c'est une chose extraordinaire! Mais je le crois volontiers, madame. Seulement, puisque madame me demande mon avis, moi, je lui conseille d'y regarder à deux fois avant de donner sa fortune à des œuvres. Parce que ça a beau être des institutions charitables, elles ne rendent pas ce qu'on leur a donné. Au lieu de se séparer de son argent, madame n'a qu'à dire qu'elle l'a perdu. Le résultat sera le même. Et ça permet de voir venir. Mais voilà! Oh, Comment moi, il n'y ai pas pensé à ça. Que vous êtes intelligent, Antoine. Une véritable génie que vous êtes. Madame est bien bonne. Mais comment il pourrait lui faire croire ça, Philippe? Mais voyons... Où madame a-t-elle sa fortune, si je peux me permettre de le demander? Oh, c'est presque tout. Dans une banque à Buenos Aires, que mon oncle est le président. Ah, ça c'est ennuyeux. Et pourquoi? Mais parce qu'on aurait pu dire que la banque avait fait de mauvaises affaires, mais ce serait peut-être contrariant pour l'oncle de madame. Oh, je ne fais rien. C'est un oncle qui est très vieux et qu'il ne vient jamais ici. Ah, bah alors. Eh bien, il n'y a qu'à dire que la banque est en faillite. Et que mon oncle a pris mes valeurs pour des spéculations qu'elles sont mal tournées. Tout simplement. Ah, mais comment moi, il aurait appris? Par une lettre. Mais s'il me demande, Philippe, de voir la lettre, moi, je ne l'ai pas. Bah, madame n'a qu'à préparer un brouillon, je le ferai taper au bureau. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre. Ah, si vous étiez assez bonne de venir me dire en français, Antoine... Et moi, je peux traduire en espagnol. Si madame veut. Et après, moi, je vais téléphoner à Philippe qu'il est arrivé une chose épouvantable et qu'il doit venir. C'est ça. Mais vous allez me garder le secret, hein? Oui, madame. Il faut que tout le monde à Paris croit que je suis ruiné. Autrement, il ne va plus, vous comprenez? Oui, oh, mais on le croira, madame, on le croira. Les mauvaises nouvelles comme ça, on les croit toujours. Oh, que je vous remercie, Antoine. Ce n'est rien, madame. Ah. Quelle heure vous allez venir? Eh bien, dans un petit moment, madame, aussitôt que je vais avoir terminé ici. Ah, il est bon. Je vous attends, hein, Antoine. Bon, dites-moi, vous avez parlé à la duchesse d'Olivares? Oui. Qu'est-ce qu'elle voulait? Retenir une table pour le déjeuner. Et puis, il aura des Américains. Alors, elle demande qu'on l'appelle Altesse Royale. Ah non, ça non. Ça, je lui ai déjà dit que je ne voulais pas. Quand nous serons seuls, ça lui fait plaisir. Mais devant du monde, non. Je n'ai pas envie qu'on me prenne pour un imbécile. Voilà Monsieur Pinto qui s'amène. Oh, qu'est-ce qu'il veut encore? Ah, Antoine. Bonjour, Monsieur Carlos. Bonjour. Voilà revenu. Oui, je suis revenu. Pourquoi? Il y a quelque chose à vous demander. Ah, bien, Monsieur Carlos. Vous êtes bien rentré hier soir avec Mademoiselle Lily? Je vous prie de ne plus me parler de cette femme. Allons bon. Que c'est une créature avec sans honneur et sans loyauté. Pas possible. Mais si. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait, Monsieur Carlos? Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'elle m'a dit ici, hier soir? Oui, je me souviens. Comme moi, il y a vous qu'elle parlait comme ça. Je me suis dit, Carlos, ce n'est pas une raison pourquoi tu étais très attaché à Christina, qu'elle a trahi ton amour pour laisser passer l'occasion de te refaire ta vie avec une autre. Mais parbleu. Alors, en arrivant à la maison, je lui ai parlé carrément. Je lui ai dit que son mari le voulait bien être, mais autre chose, non. Me paraît que c'est clair. Oui, bien bon. Sûr. Alors là, voilà qu'elle m'embrasse à moi en disant « Je veux que tu sois heureux et tout le sera. Je le jure. » Oui. Bah, ce n'était pas très méchant, tout ça. Mais attendez. En même temps, me dit d'enlever des doigts le saphir de Christina et me met à la place une bague à elle. Une petite scarabée qui n'avait pas de valeur et qui, pour la signification, c'était pareil. Oui. Alors moi, je la remercie avec beaucoup d'émotion. Et la voilà qu'elle ouvre la fenêtre et crie au chauffeur de rentrer pourquoi elle n'a plus besoin de la voiture. Vous voulez me dire qu'est-ce que je pouvais faire? Ça, évidemment. Et quand je me suis réveillé ce matin, elle était partie. À 29h30, par gentillesse, je pense de lui téléphoner pour lui dire une petite bonjour. Et alors est arrivée la chose épouvante. Quoi donc? Eh bien, en demandant les numéros, je tombe sur une conversation entre elle et sa mère que je comprends tout de suite que la mère, elle parlait de moi. Qu'est-ce qu'elle disait? Oh, je préfère de ne pas les répéter. Ah bien. Mais ça, c'est des choses qui n'ont pas d'importance pour moi. Je les méprise. Mais vous avez raison. Mais alors est venue la réponse de Lily. Ah. Mais que je vivrai 100 ans, que je l'entendrai encore. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Maman, elle a dit. Je comprendrais que tu me dises tout ça si moi, il y avait l'intention de l'épouser. Mais ça, il n'est pas question. Ça, il n'est pas question. Vous avez entendu? Oui, Monsieur Carlos. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai seulement mis les petits escarabées dans une enveloppe et en venant ici, je les déposais à son concierge. C'est tout. Et jamais, je ne vais plus la revoir. Vous avez tort, Monsieur Carlos. Qu'est-ce que vous dites? Non, je vous l'ai dit souvent, cette idée du mariage, ça vous perdra. Mais pourquoi on ne veut jamais m'épouser à moi à la fin? Pourquoi tous les autres et moi non? Alors, ça veut dire que toute la vie, moi, je vais rester un gigolo, n'est-ce pas? Peut-être pas toute la vie, monsieur Carlos. Il suffit d'un coup de veine. Seulement, vous feriez mieux de chercher en province, dans les villes d'hôtes, né. En attendant, si je me permets de vous donner un conseil, c'est de prendre ce que mademoiselle Lily vous offre. Jamais de la vie. Vous avez tort. Vous le regretterez. Puisque le mari, je ne peux pas être, alors je ne serai plus rien. Les femmes et moi, basta. Oui. Oui, mais alors, monsieur Carlos. Alors quoi? Comment ferez-vous? Je veux travailler. Ah oui? Oui, et c'est pour cette raison que je suis venu vous voir à vous. Je vais vous demander de me trouver une situation. C'est sérieux? C'est très sérieux. Mais ça ne se trouve pas comme ça, vous savez, une situation. Je pensais que vous avez tellement de relations, sûrement que vous allez me trouver quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voudriez faire? M'est égal. N'importe quel travail, pour vous, que ce ne soit plus les femmes. Oui. Seulement, voilà, ailleurs, il y a un apprentissage à faire. Alors, je les ferai. Y a-t-il au moins quelque chose que vous connaissiez un peu? Taper à la machine, je connais un peu. Pourquoi me dicter son courrier, Mrs. Gorst, quand tu étais fatiguée? Oui, ben, c'est déjà quelque chose. Attendez... Vous parlez anglais? L'anglais. Je pense que je l'ai parié. Était un an avec Lady Oxley, 6 mois avec Madame Gust. Bien, bien, bien. Voulez-vous être secrétaire dans l'ordre anglais? Arrivé d'avant-hier. Un monsieur tout ce qu'il y a de bien, Lord Stilton, je crois qu'il s'appelle. Il demandait qu'on lui en procure un. Ça vous irait-il? Mais pourquoi non? Mais vous croyez que ça va réussir? Mais pourquoi pas? Ah, c'est que moi, j'ai si peu de sens dans la vie. Écoutez, Antoine. Je veux aller mettre une cierge à la Madone. Peut-être il va me protéger. Eh bien, c'est ça, monsieur Carlos. Allez mettre un cierge. Oh, quel bonheur que je vous devrais, Antoine. Que jamais je ne veux l'oublier. Que hay, Carlos? Comment te va? Comme ça? Je te demande pardon, mais je suis très pressé. Je reviens dans un moment. Adios. Toujours agité, ce pauvre Carlos. Bonjour, Antoine. Mes félicitations, monsieur Jimmy. Pourquoi? Ah oui, merci. Vous êtes bien gentil. Dites donc, vous n'avez pas vu Nicole? Ah non, monsieur Jimmy. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je lui avais dit 10h30 hier soir. Méfiez-vous, monsieur Jimmy, ça ne plairait peut-être pas à Mrs. Freeman, ça. Elle n'a pas la prétention de m'empêcher de voir mes amis, je pense. La voici, monsieur Jimmy. Nicole? Non, Mrs. Freeman. Oh, zut! Soyez gentil. Dites à l'entrée que si Nicole arrive, on la fasse attendre dans le salon de lecture. Vous voulez? Bien, monsieur Jimmy. Good morning, Antoine. Vous n'avez pas vu Monsieur Jimmy par hasard? Le voici, madame. Oh, merci. Allô, Dot. Enfin, vous voilà, Jimmy. Me voilà, oui. Pourquoi vous n'étiez pas chez votre mère? Mais j'étais chez le coiffeur. Vous pouviez aller chez le coiffeur un autre moment, non? Mais c'est la seule heure où il pouvait me prendre. On s'embrasse pas? Non. Pourquoi? Parce que je dis non. Ah bon? Jimmy, jusque 2 heures, je vous ai attendu cette nuit. Oh. C'est pour ça? Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas eu moyen, je suis navrée. Pourquoi il n'y a pas eu moyen? Eh ben, maman n'a pas voulu. Vraiment? Je vous jure. Écoutez, Jimmy, si c'est une chose si affreuse pour vous de venir me dire bonsoir dans ma chambre, c'est encore temps de ne pas nous épouser, vous savez. Mais qu'est-ce que vous allez chercher là? Je sais ce que je dis. À Biarritz, c'était déjà la même chose. Vous aviez toujours de bonnes raisons pour ne pas venir. Comment de bonnes raisons? Ça s'est trouvé comme ça, voilà tout. Mais si vous trouvez cette chose-là trop difficile, c'est mieux de le dire tout de suite, parce que c'est très important dans le mariage. En France, peut-être, c'est pas si important. Mais en Amérique, oui. Chez nous, on se marie pour faire l'amour, vous savez. Alors, si vous tenez pas beaucoup de le faire avec moi, c'est mieux de ne pas m'épouser, Jimmy. Oh. Maintenant, c'est à votre côté de réfléchir. Et après, vous me direz qu'est-ce que vous avez décidé. Ce soir, c'est assez tôt. Je vais sortir. Je serai sans doute un peu fatiguée en rentrant. Et vous pourrez venir me tenir compagnie dans ma chambre si vous voulez. Vous comprenez? Oui, oui. Oui, j'ai compris. Bon. Alors, maintenant, vous allez venir avec moi et vous allez me conseiller pour les robes que je dois commander avant de partir. Ah non. Ça, je regrette, mais je peux pas. Comment? J'ai rendez-vous avec un ami. J'irai vous retrouver plus tard, si vous voulez, mais maintenant, je peux pas. Attention, Jimmy, nous sommes pas encore mariés, vous savez. Je sais. Vous avez tort, peut-être. Ça se peut. Écoutez, Je vais maintenant à côté, à la banque. J'ai pour un quart d'heure environ. Vous allez venir me chercher, n'est-ce pas? Dans un quart d'heure, je ne sais pas si j'aurai fini. Vous vous arrangerez d'avoir fini. En tout cas, je n'attendrai pas. Dans toute ma vie, je n'ai pas attendu, Jimmy. Goodbye. Goodbye. Un quart d'heure. Oh là là là là là là. Eh ben, ça va être gay, l'existence. Attends, voilà. Oh oui. Oh. Il était pris de m'excuser pour tout à l'heure, mais il était très pressé. Antoine, chasseur. Antoine, il ne m'a pas demandé. Il n'est venu personne, monsieur. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Sa sœur, est-ce qu'Antoine, il est par là? Il est dans les étages, monsieur. Ah, bien. Qu'est-ce que tu lui veux, Antoine? Et toi, m'étonner une réponse. Ah, dis donc, il paraît que t'en fais de belle, toi. Mais qu'est-ce qu'il y a fait? T'as enlevé Lily hier soir. Maman était dans tous ses états. Premièrement, je n'ai pas du tout enlevé Lily. Oui, oh. Secondement, il veut que ta mère, elle commence à finir à m'embêter, moi. Oh, tu sais ce que j'en dis, moi. Hein? Ça m'est égal, Lily est assez grande pour savoir ce qu'elle a à faire. En tout cas, moi, je n'ai rien à faire avec elle. Sans blague. Ça n'a pas collé? Mais ce n'est pas la question de coller ou de pas coller. Moi, je ne me soucie pas de Lily. Eh bien, mon vieux, t'as tort. D'abord, parce qu'elle demanderait que ça. Et puis qu'au fond, c'est une bonne fille, Lily. T'aurais bien moins d'embêtements qu'avec Christina. Ah, Christina ou Lily ou une autre, c'est toujours pareil. Moi, j'ai fini avec les femmes. Tu as fini avec les femmes? Oui. Tu plaisantes? Non, non, je ne plaisante pas. Tu peux demander à Antoine si ça n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? M'arrive que moi, il y en ai assez. Toutes les femmes, elles sont des menteuses, sans scrupules et sans délicatesse. Profite que nous sommes sans expérience, pourquoi trop jeunes, et s'amusent à nous abaisser, et après, nous méprisent. Des esclaves. Voilà ce qu'ils font avec nous. Eh ben, t'es pas gay ce matin. C'est pas vrai, ce qu'il a dit? C'est possible, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Moi, je vais te dire ce qu'on peut y faire. On peut s'en passer des femmes. Penses-tu? Comment? En travaillant. Eh ben, et c'est ça que moi, je vais faire. Tu vas travailler? Je vais entrer comme secrétaire dans l'or anglais. Non. Si. Ça sera pas très rigolo. Tu crois que c'est rigolo? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Ah, mon pauvre Jimmy. Si moi, je pouvais te raconter tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai supporté, toutes les misères, toutes les humiliations, alors je sais que toi aussi, tu dirais assez pour moi. Basta. Basta con las mujeres, hombre. Tu en as de bonnes. Je suis fiancé. Fiancé? Puis hier soir. Avec l'américaine? Oui. Mais non. Si. Jimmy. Quoi? Ne fais pas ça. Mais pourquoi? Pourquoi la plus terrible de toutes est l'américaine. Ça, je te l'ai dit. L'anglaise est... n'est pas si mauvaise. Pourquoi? On tient en général une bonne éducation et puis n'a pas l'habitude que l'homme s'occupe d'elle. Alors, si tu es anti, c'est le reconnaître. La française est assez bonne. Pas beaucoup dépensière, mais fidèle. L'Argentine, così, così. L'espagnol, il ne les connaît pas. Non, n'en voit presque pas. L'italienne, pas sûr. Un jour, très passionné, très éprise, et le lendemain, ne te connaît plus. L'allemande, ah, l'allemande, excellente. La meilleure de toutes, si ce n'était pas la question des physiques. Mais l'américaine, oh, l'américaine épouvantable. Je préfère de passer 10 ans avec une autre que seulement 1 mois avec une américaine. Et je l'ai dit par expérience, hein, pourquoi l'an passé, j'ai été avec une. Oui, je sais bien, Mrs. Girst. Oui, un véritable enfer que c'était ma vie. À ce point-là? N'est pas un pays pour nous, ça, Jimmy. Faut bien que j'y aille. Alors, moi, je te plains. Mais comment veux-tu que je fasse? Fais comme moi, travaille. Oh, ou oh. Pourquoi tu ne te maries pas avec cette petite Nicole qu'elle est si gentille? Ah, pourquoi? Parce qu'à nous deux, nous n'avons pas un franc, pardi. Mais Déa, elle travaille avec ta sœur, non? Ben oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'argent, ce n'est pas le bonheur, Jimmy. Et mieux de te priver un peu avec celle qui te plaît que d'avoir tout ce que tu veux avec une autre. Pourquoi ça? Tu les paies trop cher. Mais répète donc pas ça tout le temps, si tu crois que c'est une façon de me donner du courage. Alors, rien ne dit plus rien. Monsieur Antoine, vous fait dire que vous pouvez monter voir ce monsieur. Il vous attend. Oh, très bien. Et quel est le numéro de l'appartement? 93. Je vais vous faire accompagner. C'est de ce côté. Hasta luego, Jimmy. Au revoir. Mais tu sais, je te plains. Ah, enfin! Si c'est pas malheureux, il y a une demi-heure que je t'attends. J'avais un travail fou au bureau. Alors ça y est, il paraît, tu es fiancée. Qui t'a dit? Lily. Ta mère lui a téléphoné ce matin. Je te félicite. Ça va. Tu es content, je pense. Écoute, Nikki. Quoi? Combien gagnes-tu chez Lily? 1200. Par mois? Oui. Et puis j'ai un temps pour cent sur les commandes que j'apporte. Je me ferai dans les 16 000 cette année. En tout? Oui, naturellement. Oh là là là là là là là. Tu trouves que ce n'est pas beaucoup? C'est dérisoire. Mais pourquoi me demandes-tu ça? Tu crois qu'il me prendrait chez lui, ton parrain, si tu lui demandais? Jimmy? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que... Quoi, vite, Jimmy, tu me rends folle! Ah, surtout, va pas t'imaginer que c'est une chose décidée, je veux simplement me rendre compte si... Si quoi? Eh ben, si en se serrant les côtes, on arriverait à étaler tous les deux. Tous les deux? Jimmy, c'est vrai, tu veux? Ah, je veux, j'ai pas dit que je voulais, tu t'emballes tout de suite. Je veux me rendre compte. Mais alors, Dorothy? Quoi, Dorothée? Tu ne l'épouses plus? Ben, j'en sais rien, là. Oh! Oh, Jimmy, mais c'est fou, ça, c'est merveilleux. Doucement, hein, doucement. Tu vois, tu recommences à t'emballer. Il s'agit que d'un vague projet. Tu m'as compris? Oui. Avant tout, il faut tâter ton parrain. Je vais aller le voir tout de suite. Et tâche de savoir ce qu'il me donnerait pour commencer, tu comprends? Oui. Ta mère le sait? Ah non, naturellement. Quand lui diras-tu? Bah, il faut d'abord que j'aie la réponse de ton parrain. Quelle réponse? Bonjour, madame. Bonjour. Hein? Quelle réponse? Je t'expliquerai. Alors, à tout à l'heure, Jimmy? Oui. Au revoir, madame. Vous ne travaillez donc pas aujourd'hui? Si, madame, j'étais venue un instant en passant. Vous savez que Jimmy est fiancé? Oui, madame. Alors, il serait préférable que vous veniez le voir moins souvent, maintenant. Bien, madame. Vous comprenez pourquoi? Oui, madame. Eh ben, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, Jimmy... Fais ce que je t'ai dit. Bon. C'est pas très intelligent de la recevoir ici, si Dorothée la prend. Et puis, qu'est-ce que c'est cette réponse de son parrain dont vous parliez quand je suis entrée? Elle est allée lui demander s'il voulait me prendre chez lui, à sa banque. Comment te prendre chez lui? Oui. Pourquoi faire? Eh ben, pour travailler. Pour travailler? Oui. Mais qu'est-ce que ça signifie? Et je crois que je vais pas épouser Dorothée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En rien. Seulement, nous avons eu une conversation tout à l'heure et je me suis rendu compte que ça ne durerait pas 3 mois. Voilà. Enfin, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, elle a commencé par me faire une scène parce que j'étais pas allé lui dire bonsoir dans sa chambre. Ah, ça tu vois, je te l'avais dit. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Rien qu'à l'idée de me trouver seule avec elle, j'en suis malade. Mais enfin, qu'est-ce que tu as contre elle? Voyons, elle est jeune, elle est jolie. Je te dis pas le contraire, mais c'est plus fort que moi. Je pensais que ça passerait. Mais bien sûr que ça passera, ça s'arrange, Dieu merci, on s'y fait. Il y en a qui sont joliment plus à plaindre que toi, tu sais. Pense un peu à ton cousin, tiens, ton cousin Gomez, qui a épousé une bossue de 15 ans plus âgée que lui. Il avait des dispositions que j'ai pas, voilà tout. Oui, mais on prend sur soi, mon enfant. C'est facile à dire. Puis songe à la vie que tu vas avoir là-bas. Je me suis rendu compte, en causant avec elle tout à l'heure, qu'elle était encore beaucoup plus riche que nous ne pensions, tu sais. Tu seras soigné, dorloté, un vrai coq en pâte. Ah, la jalousie de tes amis quand ils vont apprendre ça. Et Clarisse, tiens, je me réjouis d'avance de voir sa figure. Oui, eh ben, tu tombes mal. J'ai eu des renseignements sur la vie qui m'attend là-bas. Pas plus tard qu'il y a un quart d'heure, tiens. Une vie de galérien. Et qui t'a donné ces renseignements? Quelqu'un qui l'a amené, cette vie-là. Et qui sait à quoi s'en tenir? Bon, ben, qui? Carlos. Ah, je me demande un peu de quoi il se mêle, celui-là. Alors, il ne suffit pas à ce monsieur d'essayer de séduire ma fille, non? Il faut encore qu'il entreprenne de débaucher mon fils. Parce qu'il m'a conseillé de travailler? Travailler? Mais enfin, est-ce que tu te rends compte, mon pauvre enfant, où ça peut te mener de pareils conseils, dis? Est-ce que tu te rends compte? D'abord, de quel travail serais-tu capable, veux-tu me le dire? Oh, il n'y en a pas beaucoup, évidemment. Ah! Mais il n'y a pas de quoi te vanter, tu sais. Si tu m'avais fait apprendre un métier, j'en serais pas là. Un métier? Mais pourquoi faire? Mais est-ce que tes frères ont un métier? Votre métier, c'est de vous occuper de vos femmes et de les rendre heureuses, voilà. Un métier? Alors comment feras-tu si tu n'épouses pas Dorothée? D'abord, Nicole gagne sa vie. Qu'est-ce que Nicole vient faire là-dedans? Eh ben, si je l'épouse... Qu'est-ce que tu dis? T'avais pas compris ça? Tu épouserais Nicole? Eh oui, naturellement. Jimmy, c'est pas sérieux, n'est-ce pas? Tu dis ça pour me taquiner? Mais non, maman! Oh non, ça c'est trop, alors c'est trop, j'ai pas mérité ça. Il y avait Philippe avec cette truce, et maintenant celui-là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu, ton père et moi, pour avoir des enfants pareils? Qu'est-ce que tu lui reproches à Nicole? Oh, tiens, je veux même pas te répondre. C'est tellement insensé, alors. D'ailleurs, j'aurais dû me douter qu'avec ces airs de Sainte-Nitouche, cette petite intrigante arriverait à ses fins. Tu te trompes. Elle est pour rien dans tout ça. Ah, vraiment? Elle m'aime, voilà tout. Et moi aussi, je l'aime. Eh ben oui, vous vous aimez. Et puis après, est-ce que ça vous fera vivre? Elle se fait actuellement dans les 20 000 chez Lily. 20 000. Oh, alors j'aurais lutté 25 ans. Je me serais privée de tout pour t'élever comme tu l'as été. Et au moment où tu peux épouser une des femmes les plus riches d'Amérique, tu lui préfères une malheureuse qui gagne 20 000 francs par an. Eh ben, ça vois-tu, mon enfant, c'est pas bien. Tu entends? C'est pas bien ce que tu fais là. Mais enfin, c'est pas de ma faute si je peux pas l'avoir en peinture. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu peux bien essayer tout de même, voyons. Si vraiment c'est au-dessus de tes forces, eh ben vous divorcerez, voilà tout. Oui, et pendant ce temps-là, Nicole en aura épousé un autre. Puisqu'elle t'aime tant, elle peut t'attendre. Jimmy, mon enfant, fais-le pour moi, je t'en conjure. Ou alors, si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour la mémoire de ton père qui t'aimait tant. Et qui doit être tellement navré s'il voit de là-haut ce qui se passe. Prends modèle sur lui, mon enfant. Crois-tu que ça lui faisait plaisir d'épouser Clarisse? Mais il l'a pourtant fait, lui. Parce qu'il le fallait. Oh, c'était pas pareil. Elle l'emmenait pas en Amérique. Bon, c'est entendu. Mais aussi, hein? Quelle différence de fortune! Car enfin, je ne devrais pas te le dire. Dorothée ne voulait pas que tu le saches maintenant. Enfin, tant pis, ça, je vais te le dire tout de même. Bah, nous avons causé tout à l'heure. Et alors? Eh ben, ce qu'elle propose, comme arrangement financier, est plus que raisonnable. Bon, je peux te le dire que ça va très au-delà de ce que j'espérais. Qu'est-ce qu'elle propose? Enfin, non, quand je dis qu'elle propose, je crois qu'il ne faut pas discuter, c'est apprendre ou à laisser. Enfin, voilà. Elle règle, naturellement, toutes les dépenses de la maison, les voyages, les autos, enfin tout. Toi, tu n'as à t'occuper absolument que de tes dépenses personnelles et des sorties quand tu es avec elle. Et pour ça, elle te fait une pension de 2 000 $. Par an? Non, mon chéri, par mois. Sans blague. Tu vois que ça vaut la peine de faire un petit effort. Mais... c'est sûr, ça? C'est ce qu'elle donnait à ses deux premiers maris. Alors, tu vas être raisonnable, n'est-ce pas, mon chéri? Tu vas plus penser à ses folies. Et Nicole? Nicole est une brave petite qui comprendra très bien, j'en suis sûre. Tiens, la voilà. Venez, Nicole. Venez, mon enfant. Jimmy vous attend. Je n'aime pas beaucoup quand ta mère me parle de cette façon-là, c'est mauvais signe. Écoute, Nikki... Ah bon? Quoi? Ne te donne pas la peine, va, j'ai compris. Seulement, tu aurais pu vraiment m'éviter de parler à mon parrain, c'était bien inutile. Mais écoute, Nikki, es-tu capable d'avoir un peu de patience? Qu'est-ce que ça veut dire encore, ça? Dans 2 ans, je divorce et je t'épouse. Bah, dans 2 ans, ma petite, oui, j'aurai des économies, alors finis l'Amérique, ça je te le garantis. Sur quoi feras-tu des économies? Sur ma pension, pardi. J'ai 2 000 $ par mois. Et bah... à chaque fin de mois, je t'enverrai ce que j'aurai mis de côté et tu le placeras à mon nom, chez ton parrain. Oh, je voudrais bien te croire, Jimmy, mais... Il faut me croire. Tu sais bien que... t'es ma femme. Jimmy... tu m'attendras? Je tâcherai. Tu dis... oui. Je t'attendrai. Jure. Je te le jure. Ah, seulement, dis donc, toi aussi, il faut que tu mettes de côté ce que tu pourras. Bien sûr. Mais naturellement, ça pourra pas être autant que moi. Ça? Bah oui, mais enfin, ça sera tout de même quelque chose. Et puis, fais comme moi, prive-toi un peu, voilà tout. Tu m'aimes? Tu le sais bien que je t'aime. Oh, pardon. Excusez-moi, monsieur Jimmy. Il n'y a pas de mal, Antoine, il n'y a pas de mal. Mrs. Freeman vient de rentrer, monsieur Jimmy. Elle cause dans le vestibule avec madame Laura Gomez. Allons bon. Vous n'avez qu'à sortir par l'autre côté, mademoiselle. C'est vrai. Au revoir, Jimmy. Tu me téléphones? Oui, oui. Au revoir, Antoine. Au revoir, mademoiselle. Ma future femme, Antoine. Ah oui? Dans 2 ans. Ah, voilà. Alors, Mrs. Freeman, c'est... c'est provisoire. Ah, je comprends. Vous faites un extra. Si vous voulez. Eh bien, tous mes compliments, monsieur Jimmy. Décidément, on n'a pas le temps de vous féliciter aujourd'hui. Ah, tu es seul, bon... va tout de suite trouver Dorothée. Elle vient de rentrer furieuse contre toi parce que tu n'es pas allé la retrouver. Faut absolument que tu ailles t'excuser. Mais oui, mais oui, mais où est-elle? Elle est montée, elle t'attend chez elle. Pourquoi chez elle? Elle m'a dit qu'elle se sentait un peu fatiguée et qu'elle allait s'étendre. Oh, déjà. Comment? Je pensais que j'avais jusqu'à ce soir. enfin... Tu vas tâcher d'être un peu gentille, n'est-ce pas? Mais oui, maman, mais oui. Oh, mon pauvre Antoine, c'est pas rigolo tous les jours, la vie. C'est un moment à passer, monsieur Jimmy. Oh, ces enfants, Antoine, quel tracas, mon Dieu. Enfin, voilà un de casé malgré tout. Mais Philippe, ça, il va falloir que je lui parle très sérieusement. Vous savez, ça ne peut plus continuer comme ça. Christina finira par demander le divorce, ça c'est sûr. Mais justement, il est là-haut, monsieur Philippe. Où là-haut? Chez sa femme, madame. Non! Mais si, madame. Il est arrivé il y a un quart d'heure. Pas possible. Oh, mais dites-moi donc, Antoine, c'est un peu meilleur signe, ça. Oui, madame, c'est madame Philippe qui lui a téléphoné de venir. Ah, oui, mais enfin, il est venu. C'est déjà quelque chose. Oui, madame. Et pourquoi lui a-t-elle téléphoné de venir, vous ne savez pas? Elle voulait lui montrer une lettre qu'elle a reçue ce matin. Une lettre? Oui, une lettre de Buenos Aires, madame, oui. Des nouvelles pas trop bonnes, à ce qu'il paraît. De sa famille? Oui, madame, de son oncle. Tiens. Mais celui qui est président d'une banque. Oh, il ne va pas bien? C'est-à-dire, c'est la banque qui ne va pas bien. Elle a fait de mauvaises affaires. Ah. Oui, comme c'est là que madame Philippe avait son argent, forcément, elle est assez ennuyée. Allons bon. Mais enfin, ce n'est pas une chose grave pour elle. Non, je ne pourrais pas dire, madame. Elle semblait préoccupée. Ah, vraiment? Oui, elle répétait tout le temps, c'est la ruine, c'est la ruine. Quoi? Mais c'est pas possible, Antoine! Est-ce qu'il paraît que son oncle aurait spéculé et finalement aurait tout perdu? Non! Mais qu'est-ce qui va se passer? Ah, je ne sais pas, madame. Oh, ça, c'est épouvantable. Ah, décidément, nous n'en sortirons jamais. Alors, si avec les fortunes d'Argentine, on ne peut pas être tranquille, alors... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu... Oh! Bah, tu arrives bien, toi, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Sais-tu ce qu'Antoine vient de m'apprendre? Non, bonjour Antoine. Bonjour Monsieur Manuel. Christina a perdu toute sa fortune. Quoi? La banque où elle avait son argent à Buenos Aires a fait de mauvaises affaires et elle est ruinée. Et quelle banque? Celle de son oncle? Oui, oui Monsieur Manuel. Oh nom de Dieu! J'ai 3000 actions de cette banque en portefeuille, on m'avait dit que c'était une affaire en or. Bon ben je vais tâcher de les vendre, il n'y a plus que ça à faire. Ah ben ça par exemple... Il y a des gens qui disent que j'ai de la chance. Allons, décidément, c'est la série noire qui continue. Ah, maman, je te cherchais. Il arrive à Christina une chose très désagréable. Oui, je sais. Antoine vient de me le dire. Elle est ruinée. Oui, oui, à peu près. Mais enfin, comment a-t-il pu confier tout son argent à son oncle? C'est insensé! Ah, qu'est-ce que tu veux? Il ne pouvait pas prévoir qu'il allait s'en servir pour spéculer. Ah, elle ne pouvait pas prévoir. Eh bien, on prend ses renseignements dans ces cas-là. Enfin, ça la regarde. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu comprends bien que je ne vais pas abandonner Christina dans de pareilles circonstances. Qu'est-ce que tu entends par là? Mon devoir est de rester auprès d'elle. Ah, voilà. C'est bien ton avis, je pense. Oh, mon enfant, moi, je n'ai pas de conseils à te donner. Tu es seul juge. Je trouve seulement qu'étant donné la conduite de Christina ces derniers temps avec ce Carlos. Tu aurais certains motifs de te montrer moins généreux. Oui, mais enfin, nous avons décidé d'oublier tout ça. Alors, eh bien, mon enfant, je te félicite. C'est très beau ce que tu fais là. C'est pas très intelligent, mais c'est très beau. C'est assez naturel, non? Oui, oui, bien sûr. Mais dis-moi, qu'est-ce que devient cette jeune femme russe dans tout ça? Et puis, Louba? Oui, tu la quittes, probablement. Bah, forcément, oui. Pauvre petite. Enfin. Oh, tu sais, elle n'a plus tellement besoin de moi. Grâce à Christina, qui a été extrêmement chic hier soir... J'ai réussi à arranger l'histoire de l'Hispano, c'était le principal. Et puis je ne suis pas inquiet pour elle, elle se débrouillera, elle a l'habitude. Tandis que Tina, toute seule, sans argent... Mais qu'est-ce qu'elle deviendrait si je l'abandonnais, hein? Ah, alors c'est toi qui vas la faire vivre à présent? Bah, dame... Oh, c'est inouï! J'ai pensé que Lily pourrait peut-être me prendre chez elle. Ah oui? Parce que tu veux travailler, toi aussi? Ah ben, il faudra bien. Oh, décidément, c'est une épidémie. Enfin... Monsieur Philippe, madame vous cherche. Ah, prévenez-la que je suis ici. Dis-lui quelque chose d'affectueux, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je sais pas, moi, enfin qu'elle te sente ta sympathie, voilà tout. Ah, Philippe, il faut sati, signora. Oui, oui, il m'a dit. Quel malheur, n'est-ce pas? Ah, ça vous pouvez le dire, alors. Comme malheur, on ne fait pas mieux. Je vous plains beaucoup, ma chère enfant. Merci. Vous avez vraiment tout perdu. Presque tout. Enfin, ça vaut mieux que de se casser la jambe, dit-on. Mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Oui, enfin, c'est pas sûr, parce que une jambe cassée, ça se répare. Tandis qu'une fortune perdue, ça ne se répare pas. Ah, j'en sais quelque chose. n'a pas l'air très contente, la signora. Non, mais écoute, tant pis, ça lui passera. Tu n'es pas trop fatiguée? Tu ne veux pas te reposer? Oh non, ça va très bien. Enfin, c'est-à-dire, ça va aussi bien que ça peut aller dans un moment pareil. Ah, bon. Alors, veux-tu que nous allions déjeuner tous les deux quelque part où on soit tranquille? Oh oui! Enfin, si tu veux, parce que moi, je n'ai pas beaucoup faim. Bah, oui, mais que veux-tu? Il faut tout de même se nourrir. Hein. Tu as la voiture? Si, si. Alors, autant en profiter, non? Puisqu'elle est là. Alors, partons. Au revoir, Antoine. Au revoir, monsieur Philippe. Je viens tout de suite, Philippe. Qu'est-ce que vous dites, Antoine? Est-ce qu'il a bien réussi? On le dirait, madame. Ah, vous voyez, moi, il le savait. Seulement, madame ferait bien d'envoyer un mot à son oncle pour l'avertir. Parce qu'il a pris quelque chose depuis ce matin. Oh, pauvre homme, oh, vous avez raison. Et il veut le faire. Eh bien, tiens. Voilà, mon chéri, voilà. Eh bien, monsieur Carlos, vous avez vu Lord Stilton? Non. Ça n'a pas marché? Pourtant, quand je l'ai quitté, il avait l'air tout disposé à vous prendre comme secrétaire. Vous appelez ça une secrétaire? Comment? Alors, il préfère encore les femmes. Ah, c'est pour ça qu'il me demandait si vous étiez brun ou blond, je me disais aussi. Oh, je suis désolé, M. Carlos. Je ne doutais pas de ça, vous pensez. Autrement, je vous aurais au moins prévenu. Ça ne plaît pas à tout le monde, naturellement. Moi, ça ne me plaît pas. Mais c'est bien votre droit, M. Carlos. Des goûts et des couleurs, n'est-ce pas? Eh bien, on tâchera de vous trouver autre chose, que voulez-vous? Oh, ce sera encore pareil, allez. Je les vois maintenant que pour un homme qui a le malheur d'être un peu joli garçon, rester honnête est impossible. Ah, c'est difficile, Monsieur Carlos, ça, je le reconnais. Coucou. Ah ben, qu'est-ce que c'est? Cette bague, j'espère que vous ne me la renverrez pas. Regardez ça, Antoine, si c'est beau. En effet, mademoiselle, c'est magnifique. Et vous savez, on peut chercher les défauts. Eh bien, vous en avez de la chance, Monsieur Carlos, de recevoir des cadeaux pareils. Je n'en veux pas. Comment? Elle vous plaît pas, cette bague? Moi, je n'accepte rien de vous. Pourquoi? Pourquoi? J'ai entendu qu'est-ce que vous avez dit à votre mère au téléphone. Oh. Alors, c'est pour ça que vous m'avez renvoyé mon petit scarabée? Oui. Oh, mais quel enfant vous faites, Carlos. Antoine, donnez-lui la bague. Inutile. Elle va bien comme taille? Oui. Bon, alors tu veux bien venir déjeuner avec moi? Mais oui, il veut bien, n'est-ce pas, monsieur Carlos? À la bonne heure. Antoine! Oh, dépêchons-nous, voilà maman. Au revoir, Antoine. Merci. Ce n'est rien, mademoiselle. Mais vite, Carlos! Vous ne le regretterez pas, vous verrez, monsieur Carlos. Mais peut-être elle va le regretter. Pourquoi? Pourquoi? Je vous garantis que ça va lui coûter quelque sens. Alors, vous connaissez la dernière invention de Philippe, Antoine? Sa femme est ruinée, alors il lui revient. Eh oui, madame. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Croyez-vous que ce n'est pas désespérant? Oh, à la place de madame, je ne m'inquiéterai pas. Ah, vous trouvez qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Oh non, madame. Eh bien, qu'est-ce qu'il vous faut? Tout ça finira par s'arranger, mais comment madame. Voulez-vous que ça s'arrange? Si madame voulait me croire, elle cesserait une bonne fois de se tourmenter au sujet de ses enfants. Parce que, faits comme ils sont, ils se tireront toujours d'affaire. Ouais, oh, c'est facile à dire. Non, il y a 22 ans que je suis ici. Eh bien, je n'ai encore jamais vu de messieurs comme eux manquer de quelque chose, madame. Jamais. Ils le voudraient qu'il ne le pourrait pas. Que Dieu vous entende, Antoine. Mais oui, madame. Ah, madame peut dire ce qu'elle voudra. Moi, je trouve qu'elle a de la chance avec sa famille. France Culture et la Comédie Française viennent de vous faire entendre « Le sexe faible » d'Édouard Bourdet. Les interprètes étaient messieurs Georges Descrières, Philippe, François Chaumette, Manuel, Alain Pralon, Carlos, Francis Huster, Jimmy, Jacques Cérès, Antoine, Marco Béard, Jules, et mesdemoiselles Annie Ducot, Isabelle, Denise Jans, la comtesse Potocki, Claude Winter, Clarisse, Bérangère Dautin, Dorothée, Claire Vernet, Christina, Catherine Yegel, Lily, Dominique Constanza, Nicole, Catherine Ferrand, Louise. Chef opérateur du son, Raymond Anna. Collaboration technique, Roland Alagnès. Bruitage, Patrick Martinache. Assistante de production, Catherine Lemire. Réalisation, Georges Gravier.